Salut tout le monde, c'est Sei, bienvenue à la 19e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Et aujourd'hui pour m'accompagner, j'accueille Cyril. Salut Cyril. Salut Sei, salut tout le monde. Ça va bien ? Ça peut aller comme on dit par chez moi. Ça peut parler, ok, très bien. Ensuite, nous avons Cilion. Salut, mon petit Brezel, ça va? Salut, et comment dire en conférence? I am very excited to be here. Yeah, amazing. Et ensuite, nous avons enfin Laurent. Salut, Lolo. Salut, Sei, salut, Cyril. Salut, Cilion. Cyril, t'as une grosse voix quand même. C'est vrai, en plus, j'ai la crève, alors c'est génial. Yeah. Et Barry White. Ouais. T'as la crève maintenant, toi, quand il fait beau, c'est bizarre. Ouais, hein. Mais c'est bon, c'est ma vie. C'est ma vie, c'est comme ça. Tu es un aventurier. En parlant d'aventure, il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment. Notamment, vous n'êtes pas sans savoir que l'E3 à Los Angeles, où on dit E3 ou E-Cube L-A. Ou, L-A. L-A. Ou l'E-Cube, j'ai souvent entendu ça aussi. Donc, vient de se terminer, là on est le 13 juin, quand on enregistre. Pas mal d'annonces qui ont été faites sur nos casques PSVR, mais on va commencer avant tout. Quelque chose qui a eu lieu un petit peu à part de l'E3 en réalité, c'est les annonces sur la Xbox Scarlett. Laurent, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Allez Laurent, lâche-toi. Une nouvelle console que tu aimes tant déjà. Alors, alors je t'aime. La Xbox Scarlett, alors bon, on l'attendait, on savait que Microsoft allait communiquer dessus. Au niveau de leur conférence, on va pas détailler tout ce qu'ils ont montré, pas mal d'exclusivité. Ouf, ils ont montré pas mal d'exclusivité et ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'ils ont balancé quelques informations concernant leur futur projet Scarlett, qui sera composé de deux consoles apparemment. D'une part la Lockhart, qui serait plus une Xbox 2 version dématérialisée, et l'Anaconda, qui serait elle la grosse console physique, la vraie concurrente de la PlayStation 5. Je vais y arriver. Ça s'appelle la PlayStation. La PlayStation. C'est compliqué là. On l'a stressé en lui disant faut qu'il fasse vite et là il s'en met de les pinceaux, c'est fou ça. Laissez-le vivre. On a le temps. Allez. Donc qu'est-ce qu'on a appris durant cette conférence? Finalement que c'était exactement la même architecture que la PlayStation 5. Marc Cerny avait déjà annoncé que ça fonctionnait avec un CPU AMD Ryzen Zen 2, un GPU Navi, de la mémoire GDDR6, le ray tracing, tout le tralala. Donc concernant la Scarlett, c'est exactement la même chose que la PlayStation 5. Je sais pas pourquoi. J'ai cherché, mais Scarlett Aurora. Non, parce que j'ai même cherché Lockhart, tout ça, je suis tombé sur Harry Potter. Anaconda, il y a des serpents chez Serpentard et j'ai pas trouvé Scarlett, donc j'ai pas trouvé. Waouh, tu es allé loin quand même. Donc, peut-être qu'on le saura un jour. Qu'est-ce qu'elle a cette Scarlett? Alors, un point important, c'est qu'elle sera rétrocompatible avec l'ensemble des Xbox. Nous, pour l'instant, du côté PlayStation 5, on sait juste qu'elle sera rétrocompatible avec les jeux PS4, mais on ne sait pas encore si elle sera rétrocompatible PS3, PS2, PS1. Mais c'est déjà franchement, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas, perso. Il y a un brevet. PS3, PS2. Il y a un brevet qui est déposé dans ce sens-là, mais est-ce qu'il va être voilà, ça on ne sait pas. Okay. Et l'autre point important qui nous concerne, parce que c'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs, c'est que c'est surtout ce que va faire Microsoft avec la VR. Jusqu'à présent, ils n'ont jamais rien fait. Ils avaient annoncé pour le projet Scorpio et la Xbox One X qu'elle serait compatible en VR. Là, il n'y a pas eu un seul mot de toute la conférence sur la VR. Mm-hmm. Donc, pour l'instant, c'est une affaire qui roule, quoi, comme d'hab. comme d'hab, voilà. Qui roule pas. Donc la seule chose qu'on a appris, alors voilà pourquoi c'est intéressant de s'intéresser à la Scarlett, c'est que nous en tant que joueurs PSVR ou joueurs VR, ça nous donne des informations sur la PlayStation 5 qui n'a pas encore été livrée par Sony. Officiellement, vu que Microsoft annonce clairement, alors là c'est la phrase que tout le monde a repris dans la presse spécialisée, et c'est la phrase qui est clairement annoncée dans le spot publicitaire de la Scarlett, c'est que la console offrira une puissance 4 fois supérieure à celle fournie par la Xbox One X. J'achète. Voilà, le truc de malade. Alors, I give you money. Concrètement, ce qui est dit mot pour mot dans le spot de la Scarlett, c'est le cœur de notre console de nouvelle génération et notre processeur de conception sur mesure, donc qui est fait par AMD Zen 2 Navi. D'un point de vue purement processeur, cette configuration est 4 fois plus puissante que la Xbox One X. Donc ça c'est la phrase choc. Et c'est là justement où on a fait un article sur VR4Player concernant cette Scarlett, parce qu'il faut faire attention, le nombre d'articles suite à cette conférence qui sont sortis en annonçant une Xbox Anaconda à 24 teraflops, il y en a, mais vous tapez Scarlett, vous tombez sur tous les articles 24 teraflops. Fake. Moi j'ai vu une vidéo sur YouTube sur la PS5, c'est marqué 12 ou 14. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représenterait une console de jeu de 24 teraflops. Il y a pas beaucoup de PC aujourd'hui qui sont capables de le faire. 4 fois plus que 6 quoi. Voilà, le calcul il est. Alors, et en même temps, il faut aussi préciser que le 3, c'était pas non seulement des jeux vidéo et des consoles, c'était aussi un moment pour montrer des nouvelles cartes graphiques. Donc AMD était présent. Ils ont présenté leurs deux premières cartes Radeon Navi. Donc c'est là-dessus qu'on peut s'appuyer, parce que c'est vraiment du Navi, c'est vraiment bien, il faut quand même préciser que ce sera des versions de Navi qui seront spécifiquement développées pour la PS5 et pour la Xbox Scarlett. Voilà. Ouais. Mais bah, les ils ont fait quand même du virtuel chez Microsoft, hein. Ah oui, ils sont champions pour champions du virtuel, sans le savoir. Parce que, parce que si on regarde la Radeon RX 5700 XT et la Radeon 5700, c'est deux cartes donc, qui sont des Radeon Navi développées par AMD. Donc c'est un peu le noyau dur. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que ces deux nouvelles cartes font l'impasse sur le retracing en temps réel. Alors que Sony et Microsoft ont déjà annoncé qu'on aurait du ray tracing, ouais. Ce qui prouve que voilà, ça va être, ils vont développer ces cartes-là. Mais au niveau de la puissance réelle de ces cartes, on s'aperçoit que la 5700, elle fait 7,95 teraflops, et la RX 5700 XT, elle ne dépasse pas 10,14 teraflops. Donc en français, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il c'est faut qui déjà... la plus grosse. Ça veut dire que il y a plusieurs solutions. Soit ils ont parler de 4 fois plus puissant d'un composant spécifique de la Xbox qui est en effet plus 4 fois plus puissant. Et comme c'est présenté dans le spot, dans le jingle de la Scarlett, et ben la moitié des joueurs, ils entendent 4 fois la Xbox One X, bam, bam, bam, bam, puissance globale en fait. À fond. Voilà. Ou soit ils nous ont fait un bel enfumage, un bel enrobage, comme leur présence à l'E3, quoi. C'est ça, soit c'est des gros mythos. Et c'est du marketing. Enfin, c'est du marketing. Donc oui, c'est du mytho. Ah, mais ils sont bons. Hein, ils le font à chaque fois. Ils sont balèzes. Oui, ils sont très forts pour ça. Donc, ça n'empêchera pas que leur console sera superbe. Il n'y a pas de souci. Ah bah oui. De toute façon, mais c'est tout de suite 4 fois la Xbox One X. Moi, j'ai fait un bond. Hein, et puis j'en ai parlé après. J'ai dit c'est pas possible. Et puis je me suis gratté la tête un moment en me disant mais comment ils peuvent faire ça, quoi, 24 teraflops dans une console à moins de 500 balles. Ouais. Enfin bon, bref, faut bien prendre les infos, faut les expliquer après, quoi. Faut creuser un petit peu. Alors, ce qui est l'autre solution, c'est que ce qui serait pas impossible non plus, c'est qu'en fait, on sait que la Scarlett, elle sera quand même au centre, bien qu'elle soit une console physique, elle sera aussi au centre du xCloud, donc le cloud de Microsoft qui va concurrencer Stadia, et il serait pas impossible qu'ils aillent récupérer de la puissance sur des serveurs externes en ayant par exemple 24 teraflops sur un serveur externe. C'est la mode, ça. Hein. Ils sont tous dans les nuages. Hein. Voilà. Donc, quand ils vont tous redescendre sur Terre, ça va leur faire bizarre. Alors, voilà. Alors, nous, on a annoncé en octobre 2018, qu'on estimait la PS5 entre 12 et plus récemment 14 teraflops. Au final, on sait que les nouvelles cartes Navi, elles sont 14% plus rapides qu'une RX Vega 64. Donc en fait, on tombe pile sur du 14 teraflops. Et à mon avis, ça va tourner soit du 12, soit du 16, mais on n'ira pas au-delà. Mais voilà, c'est quand même... Alors, autre chose qui m'a fait beaucoup rire, c'est la façon dont sont formulées les phrases et comment elles sont mises côte à côte dans ce spot. Il parle de la possibilité pour la Scarlett d'afficher de la 8K. Point. Et la phrase suivante, c'est... Non, il parle que la console sera capable de balancer des jeux à 120 FPS, point. Et la phrase suivante, c'est qu'elle sera, elle aura une compatibilité avec la 8K. Du coup, on associe 8K et 120 FPS. Voilà. D'accord. Alors que, au final, 120 FPS, ce sera peut-être pour des jeux en 1080p, voire en 4K. Mais encore une fois, ça ne veut rien dire, parce que ça dépend de la qualité graphique du jeu. On peut très bien faire tourner un jeu comme Pong de la fin des années 70 à 120 FPS sur une PS2. C'est de l'enfumage. Voilà. Encore. Et la deuxième chose sur la 8K, la 8K c'est bien joli, mais ça va être de l'upscale 8K. Rappelez-vous sur PS3 quand on nous parlait déjà de l'arrivée des upscaling, jeux 1080p à 60 FPS, on les a jamais vus. Après on a eu la PS4, on a commencé à avoir du 1080p, on n'a jamais eu les 60 FPS. Maintenant on nous parle de 4K sur la PS4 Pro, on n'arrive pas forcément à faire de la vraie 4K. Donc là maintenant la 8K, pop, on arrête tout de suite les conneries. Ça va être de l'upscale 8K sur des petits jeux. Et puis voilà quoi, il faut... Bah, overclocker pendant 5 secondes et après ça fume, mais... Ça fume, ça crame, marcher, ça marche, hein. C'est ça. Disons que le jeu va peut-être... Si le jeu est pas trop poussé graphiquement, il va peut-être taper il va peut-être arriver aux 120 FPS par moment, puis il va vite retomber à 60 sur d'autres moments. La 8K c'est pareil. Je sais pas si vous vous rendez compte le nombre de pixels en 8K. Non, de toute façon, dans ces vidéos-là de présentation, faut être spectaculaire. Faut faire briller les yeux des joueurs. Ils balancent comme ça des chiffres et des phrases, comme tu disais, mises côte à côte pour exciter un petit peu tout le monde. C'est ça. À la fin, une fois qu'on aura la machine, ça sera certainement une très très très bonne machine. Ça, on n'en doute pas, absolument pas. C'est sûr. Avec des très bons jeux dessus. Mais il y aura une explication de texte, mais après. Quand la console sera vraiment présentée physiquement et qu'on pourra voir. Il n'y en aura pas, on aura oublié d'ici là. Ils avaient fait un enfumage comme ça déjà sur la Xbox One X. Alors, on l'avait relevé dans un article et c'était au niveau du refroidissement. Il y avait une histoire comme ça et c'est pareil, ça avait été avancé lors de la conférence et au final, ça y est pas. Mais c'est passé à l'as, hein, donc ça sera pareil. Attention, on n'est pas des fanboys Sony complètement non, ouais, du tout, aveuglés. Parce que moi, Sony, le premier, j'ai eu des Xbox et j'en ai été très content. Et surtout, Sony, c'est pas les derniers justement pour faire de l'enfumage aussi quand ils présentent leurs consoles, etc. et leurs jeux. C'est pas Microsoft ou Sony qu'on tape, c'est le marketing. C'est le marketing le marketing. Il faut faire attention. En tant que joueur, quand on lit des choses comme ça, il faut toujours se poser la question 120 FPS, 8K, 24 teraflops. Et en plus, le problème, c'est que c'est relayé par la presse. Les mecs, ils voient 4 fois la Xbox One X, ils ne cherchent pas à comprendre. Tiens, on va faire 4 fois 6. Ah ouais, ça fait 24. On balance ça dans des articles et les gens, après, ils en sont. Et le problème, c'est quand les consoles vont arriver, qu'ils vont annoncer. Admettons maintenant que Sony sorte leur PS5 avant la Scarlett et qu'ils annoncent 14 teraflops. Tous les mecs qui ont lu ces articles, ils vont dire mais c'est n'importe quoi, la Xbox ça va faire 24. Ouais, mais au moins ils ont mis la barre très haute et puis Sony peut pas aller au-dessus, ils peuvent pas inventer l'histoire en disant on est à 26 teraflops, donc au moins le débat il est clos quoi, c'est bien. Personne pourra une console qui est annoncée telle qu'elle est en 8K 120 FPS à 24 teraflops. C'est les plus gros PC de l'heure actuelle. Ouais, mais là au niveau de leur conférence, ils ont tout bétonné en fait. Donc comme les fois passées, ils s'étaient quand même fait blouser par Sony, là au moins ils ont tout bétonné, ils ont tapé bien haut. Et la concurrence, Mais c'est du mensonge, quasiment. Ouais, mais justement, je trouve qu'ils ont quand même loupé leur conférence, Microsoft, et quand vous regardez la presse, c'est vraiment ce qui en ressort. Ils avaient quand même une autoroute devant eux, c'est-à-dire que leur concurrent principal, Sony, était absent cette année, et ils n'ont pas réussi à capitaliser. Ils auraient pu vraiment aller encore plus loin, présenter encore plus à Scarlett. Et la conclusion, c'est que non, ils n'ont pas convaincu du tout. Ils ont fait une conférence Microsoft, comme ils en font tout le temps. Que des jeux, on est gros. Mais ça n'a pas pris. Hein. Personne n'a... Et surtout, leur programme de... le Xbox Live devient... Enfin, le Xbox devient un store. Et ça a été très très critiqué encore. Et j'ai lu beaucoup de commentaires de gens qui disaient, des Américains, hein, donc qui sont normalement quand même plus attachés à une marque comme Microsoft qu'à Sony, ils disaient, moi demain j'achète une PS5. Hein. Après, il faut voir quelle va être l'offre de Sony, et à mon avis, elle va pas être si loin, hein, parce que le cloud gaming est très à la mode depuis Stadia, Et ils vont effectivement faire un système d'abonnement pour cluber les joueurs. C'est vraiment... Bon, ils le font tous. Ils sont obligés d'en parler de toute façon d'un système de cloud gaming, c'est obligé. Par contre, franchement, je ne sais pas si vous avez vu les sondages qui ont été faits pour, en demandant aux joueurs, alors j'ai vu ça sur plusieurs sites, en ce moment il y en a pas mal qui font des sondages, est-ce que vous êtes prêts à passer sur Stadia ou passer dans le cloud ? Il y a à peu près une 40 à 45%... Dans le cloud. Il y a à peu près 45% des gens qui disent non cash. Il y a une vingtaine de pourcents qui disent j'attends de voir ce que ça va donner, problème de latence, des choses comme ça. Donc au final, on est encore sur une 60%, 65% de gens qui sont plutôt négatifs, pas prêts à y aller, quoi. Après il y a 8% de curieux qui disent je vais y aller, c'est bon, j'ai déjà commandé, c'est sûr. Il n'y a rien trop de concret non plus, hein, pour il faudra du temps, ça ne va pas se faire, voilà. On attend que Sony bouge un peu parce qu'il faut un peu l'autruche, c'est surtout ça aussi, hein. On en apprendra plus dans les prochains mois. Je pense qu'on est dans le money time quand même, quoi. Donc c'est le temps du secret pour vraiment flinguer l'adversaire le moment donné, quoi. Moi je le vois comme ça. Alors, l'autre point qui est intéressant concernant la Scarlett, où ils ont annoncé 4 fois la puissance de la Xbox One X, ce qui est intéressant, c'est que finalement, quand on calcule nos 14 teraflops de tout à l'heure, on s'aperçoit que finalement, si on arrive vraiment sur 14 à 14,43 teraflops, et du coup, la PS5 sera 3,44 fois plus rapide qu'une PS4 Pro. Donc on n'est pas trop loin des 4 fois quand même. Et la Xbox Scarlett, elle serait par contre avec le même ratio, 2,4 fois plus puissante qu'une Xbox One X. Donc on n'est pas à 4 fois, on est à 2,4. Bon, on verra. Merci Microsoft. Pour plus d'infos, allez voir l'article où il y a beaucoup plus de précisions sur le site. Tout à fait. Très bon article. Exactement. Donc ça sera tout donc pour la Xbox Scarlett, autant on emporte du vent là, parce que j'ai bien fait le tour. Le gros point à signaler sur vraiment, c'est qu'il n'y a toujours pas de VR annoncé avec une console de 14 teraflops. Ouais. Donc ça, c'est quand même, c'est là-dessus, c'est vraiment là-dessus que j'étais vraiment bloqué dessus. Refroidi. Voilà. Pourquoi ils l'ont ? Pourquoi s'ils peuvent le faire ? Pourquoi ? Enfin, si tu peux le faire, ça coûte rien en plus, hein, puisque il suffit d'ouvrir la console. Pourquoi ils le disent pas à un moment donné ? Ça dure 2 secondes. Pourquoi ils le font pas ? Est-ce que c'est à cause de l'image négative que ça peut avoir sur l'ensemble de la communauté ? On se rappelle du State of Play numéro 1 ? Peut-être. Non, peut-être. Je pense pas. T'as un public quand même. Donc il y a des gens qui sont quand même intéressés par la VR. Ouais. Bien placés pour le savoir. Donc, oui, sur console Xbox, il y en a qui sont demandeurs VR. Il va toujours pas y en avoir alors. Hein. Bon. Je vois ça mal barré pour l'instant. Alors, ça peut changer, mais alors ils ont quand même communiqué pour dire qu'ils y allaient. Après ils ont dit qu'ils y allaient plus. Après ils ont dit qu'ils n'iraient pas parce que pour eux la VR n'était pas mûre, c'était pas encore une technologie qui était au point. Mais à côté de ça, ils sont à fond dans le cloud, le cloud. Ils sont à fond dans le cloud. Alors que finalement, quand on regarde les débits moyens en France, c'est pas pour tout de suite, quoi. Donc pour moi, il y a un article aussi là-dessus. Oui, il y a un article qui est sur Google Stadia. Donc c'est pareil sur le site où on détaille un peu tout ça. Donc voilà, je comprends pas pourquoi. Ils auront plus d'excuses, on va dire. C'est une logique d'actionnaire, quoi. Ok. Ouais. C'est ça. Pour le moment. Bon. Donc on a bien fait le tour déjà sur Xbox. On va pas refaire l'histoire sur le cloud ni ce qu'on en pense. Hein, vous le savez très très bien. Cloud. Le cloud. C'est bien le cloud. J'aime bien. Le cloud. Et puis on va passer directement sur l'événement de l'année pour la scène vidéoludique, c'est l'E3. Et qu'est-ce que vous en avez pensé un petit peu, toi, Cyril ? Qu'est-ce que t'en as pensé de cette E3 ? Alors, je vais être très franc avec vous. Je vais être un super sub, comme on dit. Sachant que j'ai raté totalement l'événement de A jusqu'à Z. Parce que, à l'heure des grandes annonces, notamment le showcase VR organisé par Plot VR, moi j'étais à Bilbao en train de me prendre des bons godets de rosé, à manger des pinchos, enfin c'était très bien, je suis passé au travers. Par contre, tu as bien fait. J'ai quand même récupéré un petit peu, donc je suis allé gratter les informations. Bah, comme chaque année, je dirais, bah, pas, c'est pas merveilleux, mais je note quand même la bonne initiative d'Upload VR. Après, on en pense ce qu'on voudra, on y reviendra tout à l'heure, je pense, plus profondément dessus. Mais au moins, on a eu une autre séquence consacrée à la réalité virtuelle, et c'est déjà un très bon début pour moi. Exclusivement à la réalité virtuelle, d'ailleurs. Voilà, tout support confondu, et c'était vraiment une bonne chose. Ça prouve que la réalité virtuelle a sa place dans l'univers du jeu vidéo, et elle a fait son trou, et là, c'est un gage de réussite. Voilà. Mais là, justement, qui a été organisé, donc, comme on le disait tout à l'heure, par Upload VR, qu'est-ce que vous pensez, justement, que ce soit maintenant, dans un salon tel que l'E3, juste une parenthèse spécialisée dans la réalité virtuelle? Toi, Cillon, t'en penses quoi de ça? Eh ben moi, je suis partagé, j'ai pas encore mon avis là-dessus parce que l'annonce est trop récente pour encore avoir du recul là-dessus. Et au début, quand j'ai vu qu'il faisait une conférence qui est en fait une vidéo en pré-enregistrée, mais bon, Devolver l'a fait aussi, il est très bien, très drôle, de façon très drôle, je me pose des questions parce que est-ce que vous avez déjà vu, vous, à l'E3, hein, le plus grand salon du jeu vidéo qui a eu ses hauts et ses bas, tout d'un coup une conférence dédiée, je sais pas moi, aux consoles portables? Non. Et c'est un petit peu sclérosé, un petit peu se priver de la dilution, comment dire, de diffuser donc la VR sur plein de conférences, de tout concentrer sur une seule. Je suis un peu partagé. Au final, je pense que c'est une bonne chose puisque ça faisait partie des conférences. C'est quand même une des moins médiatisées qu'il y a eu sur YouTube. Quand vous regardez, c'est celle qui est la moins mise en avant. Mais je suis partagé, encore que c'était la plus riche. Il y avait une quarantaine de jeux, vous regardez, je sais pas, une conférence comme Square Enix, donc il y avait finalement très très peu de jeux, mais avec des focus prolongés sur Final Fantasy Remake, qui va de redonner un peu la hype d'ailleurs sur ce jeu, ou Ubisoft qui a mis beaucoup le gameplay en avant, comme ils le font généralement, mais... Voilà, je suis encore un petit peu partagé, je sais pas, je pense que c'est l'avenir, l'année prochaine il y aura encore un VR Showcase, mais compartimenté vraiment des genres. Est-ce que la VR doit avoir une conférence dédiée ou bien plutôt à chaque fois avoir une page, une parenthèse par conférence? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai bien aimé cette conférence dédiée à la VR, hein, ça c'est sûr. Ouais, bah, alors je te rejoins sur le fait que ça me dérange. Alors non pas que ça soit partitionné, c'est-à-dire que, comment dire, ça soit une branche bien à part du reste du salon. Ce qui me dérange un petit peu dans l'initiative, et qui reste au demeurant très bonne, c'est que ça soit une entité qui est la même mise Upload VR, qui a la même mise sur toutes les informations. C'est-à-dire qu'il y a dû avoir un deal qui a été passé avec les studios, et motus et bouche cousue, on donne aucune information, c'est Upload VR qui a l'information première. Et ça me dérange un petit peu, parce que c'est compliqué, ne serait-ce que pour les petits sites comme nous, de démarcher les studios, de converser avec eux, de leur donner entre guillemets une opportunité de parler différemment de leur jeu. Et là, bon, ben, ok, ils ont eu un monopole, et bon, ça a servi sans doute les studios, ça, c'est sûr et certain, mais parce que ça a apporté beaucoup de visibilité. Mais pour le coup, je trouve ça un peu, ça me dérange un petit peu, voilà. Ouais. Complètement d'accord, ça a été mon premier sentiment aussi, c'est vrai. C'est un peu choquant, hein, quelque part. Je ne sais pas si c'est très légitime de faire ça. On salue l'initiative de le faire. Ils ont mis des thunes là-dedans. Ça coûte très cher de faire un salon. Ça coûte très cher d'avoir 60 minutes d'exposition. Mais effectivement, quid des autres? Quid de VR Focus? Quid de Road to VR? Quid de nous? Quid de tous ces sites? Quelque part, c'est un petit peu étrange. C'est comme, je sais pas, il faudrait faire un parallèle avec d'autres domaines d'activité, ça choquerait beaucoup plus. Encore que la VR, c'est un petit marché en demeurant, et donc on se pose moins la question. Mais je suis d'accord, c'est quand même... C'est un vrai monopole, là, pour le coup. Là. Ouais, Et tu as vu, au moment où ils passaient la conférence en direct sur YouTube, ils diffusaient donc leurs articles, rédigés à l'avance, ils avaient les informations en exclusivité, et ils disaient ce qu'ils voulaient. Ouais, alors bon, je sais pas qu'est-ce qui s'est tramé derrière, hein, mais Bon voilà, l'initiative pardon, reste excellente, il n'y a aucun problème, ça apportait vraiment énormément de visibilité sur la réalité virtuelle, mais c'est vrai que c'est dérangeant quand même, j'espère que ça va s'ouvrir pour l'année prochaine, que ça va être repris soit par d'autres, soit la réorganisation du salon, parce qu'on l'a entendu dire qu'ils étaient en train de repenser le salon de l'E3, a donné vraiment officiellement une place légitime à la réalité virtuelle, et que ça soit plus des confrères, si on peut appeler ça, puisqu'on se met dans le panier aussi, qui organisent et qui ont la main mise sur un sujet, quoi, sur un thème. Ouais. T'as pas choqué, Laurent, toi ? J'y ai pensé. Moi, j'aurais bien vu une conférence organisée par l'E3 ou quelqu'un de moins impliqué dans la VR. D'un autre côté, c'est bien aussi, parce que c'est vrai que quand on voit le premier State of Play, à quel point ils ont pu se faire, enfin le deuxième State of Play, à quel point ils ont pu se faire démonter quand ils ont mis trop de jeux Sony dans le State of Play, on a vu les commentaires. Donc c'est là où tu te poses la question, est-ce qu'il faut tout regrouper la VR et la mettre un petit peu de côté, et les passionnés de VR, ou est-ce qu'au contraire, ce que tu disais tout à l'heure, c'est peut-être bien aussi d'avoir quelques jeux VR au milieu de jeux à l'époque de la Vita, les jeux Vita étaient mélangés avec les jeux PS4, PS5. Là-dessus, c'est pareil. J'aimerais bien que ce soit vraiment quelqu'un qui soit complètement neutre qui organise cette console, les organisateurs du salon, quoi. Voilà, ouais, voilà. Ils ont la légitimité de le faire. Et qu'à ce moment-là, il y a des sponsors, il y a Upload, il y a tout VR Focus, il y a tout le monde, même voir nous si on gagnait un jour des sous. Mais disons que voilà, c'est vrai que c'est un peu bizarre comme ça s'est fait. Ouais. Mais bon. Ouais, ils peuvent organiser l'entité. Alors après, E3 organise ça et puis il fait venir les studios et leur donne une tribune tout simplement, quoi. Voilà. Et puis après, concernant le salon, j'en attendais pas grand-chose, étant donné que finalement en console, il y a que Sony et que Sony n'y était pas. Donc finalement, cette E3 cette année, déjà moi les jeux flat, j'ai bien levé le pied dessus, voire complètement levé le pied. Je ne joue quasiment plus qu'en VR. Donc finalement, l'E3, je l'ai vu venir. Mis à part cette conférence E3 VR, tout le reste, je disais, je vais le regarder par curiosité. La preuve, j'ai regardé Microsoft parce que je voulais savoir si la Scarlett allait être compatible VR. J'ai regardé Bethesda avec Sillion à 3 ou 4 heures du matin pour savoir s'ils allaient annoncer des nouveaux jeux VR, parce que c'était quand même des grands acteurs. Ouais, mais justement, nous on est dans la VR, donc on a quand même regardé toutes les autres conférences. Mais les les 99% d'autres joueurs qui ne jouent qu'en flat, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas regardé la VR Full Showcase. Non, c'est vrai, ouais. Il n'y a pas eu assez de mélange, quoi. Ouais. Donc c'est plus dilué. Il y a du positif et du négatif. Il y a du pour et du. Non, mais je suis d'accord. Il y a du pour et du contre. Les deux, tout à fait. Ouais. Bon, okay. Au moins, ça donne de la visibilité à la VR et c'est super. Et c'était, encore une fois, même si c'était une vidéo, que ça faisait un petit peu amateur, un petit peu fait à la va-vite. Il y avait certains interviews qui étaient faits un peu à la cam avec un son dégueulasse. Mais des jeux intéressants, c'était quand même un petit peu amateur. Hein, c'était pas une conférence sur une estrade avec des intervenants, quelque chose d'orchestré. Quelque part, est-ce que ça t'a déplu? J'ai que ça soit un peu ce côté amateur là, voilà. Est-ce que ça t'a pas rapproché des sources? Préfère ça. Je préfère le format State of Play avec des vidéos qui s'enchaînent. On perd pas de temps avec du blabla. Il n'y a pas un gros Phil Spencer qui va dire que sa console est la plus belle. Je préfère ça. Et qui mange trop. Oh. c'est le pauvre homme là, enfin le pauvre, le riche homme. Non, mais moi je, ouais, ce côté amateur, ça, c'est plaisant. Ça, pour moi, ça rapproche un peu les sources de l'E3, de la communication bien léchée, bien cousue, pas un mot de travers. Ça va, on en bouffe tous les jours. Stop, quoi. Stop. De toute façon, si on parle en général des salons, c'est un format qui périclite, enfin c'est pas possible. Déjà économiquement c'est pas viable, c'est plus viable. Il y a eu des hauts débats avec l'E3, ça s'est arrêté même quelques années. Ça coûte très cher aux exposants. Ce format de estrade public, des gens qui arrivent, des bugs, on pense à Nintendo, des quacks, on pense à Konami, c'est has-been comme format quand même, quelque c'était part. C'était amateur quand même il n'y a pas si longtemps que ça en plus, hein, quand même, l'E3, justement, avec tous ces bugs qu'il y avait, ces petits contretemps qu'il y avait. Moi j'ai adoré le format, ouais. Ouais, mais ça fait l'histoire de l'E3, quoi. Bah oui, c'est vrai qu'on en reparle. Ouais, c'est vrai. Là, maintenant, toutes les conférences se ressemblent. Mm. C'est plat. Donc, vous n'avez pas été convaincu globalement, quoi. Pas surpris. Yeah. Pas surpris. J'ai... Voilà. J'avais aucune attente, moi, cette année, donc j'ai pas été déçu. Les jeux sont de plus en plus longs à programmer, à développer. Ils coûtent de plus en plus cher. Il y en a de moins en moins. Ils sont annoncés de plus en plus tôt. Voilà. Regarde, la conférence Microsoft, on va pas en reparler, mais c'était que des trailers. Il y avait aucun gameplay. Mm. Hein. Mais c'est ce que les joueurs, les joueurs aussi veulent. Hein. Non. Les joueurs, ils veulent. Les gens ont dégueulé dans les commentaires. Ils disaient du gameplay, du gameplay, du gameplay. Il y avait que des trailers. Ah oui, d'accord. À ce niveau-là, d'accord. Ouais, ok. C'est inintéressant de voir des cinématiques de jeu. On s'en fout. Mais c'est clair. Ouais. Allô. Pardon. Vas-y, excuse-moi. On en a parlé en plus, Sillon, quand on regardait la conférence de Microsoft. Le trailer de Cyberpunk 2077, là. Mais j'ai pas l'impression que c'est un jeu, c'est un film, en fait. C'est le jeu qui a volé, qui a volé l'E3. Hein. Ouais. Oui. Tout le monde on a rien vu, au final, hormis le trailer. Enfin, il est tellement attendu, celui-là. Ils ont vu Keanu Reeves, et voilà, c'était fini. Ouais. À l'américaine, tu fous une star américaine, ça fonctionne, ça match direct. Les gens dans la salle, ils sont comme des fous, ils se prennent en plus de, je sais pas combien de watts de décibels dans la gueule à chaque fois qu'il y a des présentations comme ça. C'est de l'entertainment, c'est du show, voilà. Ouais, du show américain. Tout simplement. Ouais. C'est voilà. Ça. Et donc le 3, c'est devenu quand même avec des gros acteurs, Microsoft. Il n'y a plus que Microsoft en fait qui fait vraiment des shows encore. Square Enix, c'était pas mal aussi de ce côté-là. Mais les autres, c'était plus des vidéos. Hein. Devolver, ils ont fait un truc hyper comique comme d'habitude, mais avec très peu de jeux. Nintendo, ils font toujours des vidéos. Et donc le VR Showcase, il faudrait quand même qu'on en parle. C'était aussi une série de vidéos, mais au moins ça percutait. T'as enchaîné les jeux. Il n'y a eu aucune conférence qui a montré autant de jeux que le VR Showcase. Donc ça, c'est déjà un bon point. Mmh. Oui, tout à fait. 40 jeux. Hein. 41. Comme mais quoi, la VR n'est pas morte. Mais oui, mais parlons non, un petit peu des jeux un petit peu en détail. Il n'y a pas eu grand chose en nouveauté finalement. Oui, après on est dans une période de transition quand même entre les nouveaux casques qui arrivent pour les fin casques de gen aussi. Fin de gen console et les nouveaux casques PC qui arrivent avec les nouveaux PC qui vont sortir. Donc je pense que on a une phase de transition. C'est deux configs complètement différentes. T'as Sony, Microsoft qui eux sont en fin de gen. Et t'as les PCVR qui, au contraire, ils sont dans le début tous les nouveaux jeux, tous les nouveaux casques, les Rift S, les Quest. Donc le Valve, rien à voir. Ouais. Non, mais c'est bien, c'est dynamique. Exactement. Et donc, du coup, est-ce qu'on va commencer à faire un petit peu le listing des jeux qui ont été présentés à ce showcase ? Est-ce que vous avez parlé de Wolfenstein Cyberpilot ? Parce qu'en fait, moi, pour être complètement transparent, j'ai complètement déconnecté en pleine discussion là, ce qui fait que vraiment le cloud gaming, c'est pas du tout pour moi. T'as dû aller aux toilettes ? T'as dû aller aux toilettes, c'est ça, Sai ? Ça va ? Non, je crois que c'est ma connexion internet qui allait faire pipi. et donc, du coup, Wolfenstein Cyberpilot, est-ce que vous en avez. Eu vent. Est-ce que vous avez regardé un petit peu ce que c'était ? Est-ce que surtout vous en avez avec, parlé ? Avec Cillon, on a passé notre nuit en ligne pour regarder les conférences. Bethesda était, je crois qu'elle était entre 3 et 4 heures, mais je ne sais même pas, je ne me suis pas couché à 4h30. Wow. Et puis, t'es un dingue. Ils ont pas dit grand-chose en fait de plus sur Wolfenstein. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, Sillon, toi C'est toujours difficile de montrer. On a revu le même trailer. Oh non, il y a eu du gameplay qu'on n'avait pas vu, mais c'était juste tu voyais rien. Tu as vu, s'il fallait chronométrer, peut-être entre 5 et 10 secondes de gameplay, c'est toujours compliqué de montrer du gameplay VR sur un écran, lors d'une conférence. Et ils sont tout de suite passés sur le gros Wolfenstein, je ne sais plus comment il s'appelle, en flat. C'est compliqué, mais c'est vrai que c'est étrange qu'il n'ait pas pu s'évoquer que ça quand même. Ça sent le sapin un peu quand même. Hein, c'est quand même un jeu en précommande sur le store qui est prévu pour le mois de juillet. Juillet, ouais. Le 26, hein, vendu 20€. Bon, après les dates, on sait ce que ça vaut, hein, c'est annoncé, mais c'est comme en politique, c'est pas des promesses, et puis ils n'ont pas tenu forcément. Alors après, bon, perso, je vais saluer la présence de Bethesda qui, pour la deuxième année consécutive, reparle encore à l'E3 de VR, parce que l'année dernière, avec Ubisoft, c'était les deux seuls gros majors de l'industrie à avoir communiqué sur des titres VR. Cette année, il n'y avait qu'eux, hein, puisque Ubisoft, pas de nouveautés. Bethesda, On a vu que ce début d'année a été compliqué pour eux. Il y a eu déjà eu le Fallout 76 qui a pas très bien fonctionné. Ça les a mis un peu en dedans. Ah, c'est trop drôle. J'aime beaucoup le pas très bien. Todd. Les commentaires pendant le live, ils étaient impressionnants. Ouais. Ouais, j'ai pas suivi, tu vois, mais après on a eu Prey en début d'année auquel on a ajouté un DLC avec du contenu VR, mais je sais pas si vous... Oh, c'était fin d'année 2018, et par contre, ouais, le premier trimestre 2019, il devait y avoir une deuxième vague de nouveautés sur ce jeu Prey, et au final, toujours par Bethesda, on l'attend, et aucune information. Donc... Même si nous sommes petits chez VR4Player, et même si on n'a pas, comment dire, la dominance que peut avoir Upload VR par exemple, ben, on a quand même creusé nous de notre côté, et on sait que c'est un peu le statu quo chez Bethesda, notamment pour ce fameux DLC de Prey. Au niveau national, on n'est pas capable de nous dire la maison, hein, pas capable de nous dire ce qu'il en est pour la suite. Quant à Wolfenstein Cyberpilot, on a creusé. Donc on garde nos sources, par contre ça sent pas très bon, dans la mesure où ils auraient des soucis de développement par rapport à ce jeu, et ils se posent même la question de savoir s'ils vont pas, dans un premier temps, le repousser, voire le repousser sur la génération suivante. Hmm. Voilà. Wow. D'accord. Ouais. Donc ça peut peut-être expliquer le peu de nouveautés par rapport à ce titre qui doit sortir. Normalement on devrait déjà communiquer, hein, le 26 juillet, c'est dans un mois et demi, même pas. Et du coup, c'est lié aux limites techniques, c'est ces problèmes qu'ils ont d'avancer. Je pense qu'il y a des conflits dans le développement, donc ouais, voilà. Ou est-ce que c'est les moves qui font chier tout le monde? Je pense que le jeu est gold, mais il est pourri, quoi. Tout simplement, on va traduire ça comme ça. Alors voilà, si c'est ça, alors il vaut mieux à ce moment-là vraiment le repousser sur la gêne suivante. Pas faire comme on va reparler de ce pauvre Bravo Team qui, au demeurant, moi j'ai bien aimé, où ils l'ont pas repoussé. On a vu les dégâts collatéraux qu'il y a eu sur le titre et sur le studio aussi. Donc voilà, c'est un peu cette zone d'ombre là, le poteau noir pour Bethesda. Et bon, saluons au moins leur présence et le fait qu'ils soutiennent toujours la VR, parce que sans eux, ça serait pauvre quand même chez les gros, quoi. C'est un peu les seuls hors conférence spéciale VR, justement, c'est carrément les seuls en fait. Et puis le seul gros studio. Le seul gros studio. Moi je reste confiant pour Bethesda, parce que les annonces sont toujours à court terme, on le sait, hein. Skyrim, il est sorti quand même 4-5 mois après l'annonce. Sony n'était pas là, ils achètent des exclusivités, c'est vraiment leur business, ils aiment bien faire ça, même temporaire. Ace Combat 7, il est donc exclusif un an. Resident Evil, finalement, il est resté exclusif PSVR. Toujours, alors qu'il devait être passé PCVR. Je me demande si Borderlands 2 VR va pas rester exclusif plus longtemps que prévu, parce que on en a pas parlé. Ils en ont pas parlé du tout. Étonnant, j'ai trouvé. C'est vrai. Je pensais qu'on aurait dû voir quand même du gameplay PCVR, surtout avec les DLC qui sont annoncés pour cet été. Ouais. Voilà, étonnant. Je reste confiant sur Bethesda, bien que c'est un peu peau de chagrin, hein, chaque an. Hein, Skyrim, Doom VR F, et puis t'as de moins en moins de jeux à chaque fois, tous les ans. Mais juste une petite question pour vous, les gars. Le 3, on va dire, c'est un salon vraiment tout public, historiquement, donc des jeux en plat, de consoles portables, même s'il n'y en a plus beaucoup maintenant. Sauf la Switch, et de consoles de salon. Est-ce que vous pensez pas, justement, avec le retour des joueurs qui est souvent quand même assez... Enfin, des joueurs, on va dire, 99% des joueurs qui jouent pas en VR, les retours négatifs qu'il peut y avoir, comme avec le State of Play, etc., est-ce que vous pensez pas, justement, que les constructeurs sont pas un petit peu frileux de présenter des jeux, ou les développeurs, de présenter des jeux dans des salons généraux, comme ça? Et est-ce que ça serait peut-être pas mieux de préparer un salon plus spécialisé dans la VR? Ah, il y a encore plus sclérosé la VR. Oh, pas sclérosé, c'est au moins les gens qui vont aller dans un salon justement spécialisé dans la VR, c'est les gens qui sont déjà joueurs, et les nouveaux joueurs, ils ne vont pas connaître, c'est là où ça pose un souci. Ouais. Ouais. Par contre, dans l'idée, ce serait l'idéal d'avoir tous les studios qui font de la VR, qui ce soit un salon spécial VR, c'est bien. Mm-hmm. Mais c'est vrai que sur ce genre de truc comme le 3, quand ils présentent un jeu, bah, y a plein de joueurs dans ces 99% qui se disent « Ah putain, ça a l'air pas mal, je vais le prendre. » Alors que là, mm-hmm. après, on va se refermer sur une petite communauté et puis c'est mort. Quoi. Ça peut étouffer la communauté. Mais après, les salons focus sensibilisent ceux qui sont... Pardon. Vas-y. Non, Cyril, vas-y. Non, je dis comme toujours, on sensibilise ceux qui sont déjà sensibilisés. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Moi, j'allais dire que des salons verts, ça existe, hein. Il y en a. Hein. Mais oui, il y en a en plus. Ils sont tout petits encore, quoi. Il faudrait multiplier les essais au maximum, quitte même à ce qu'il y ait des camions qui parcourent l'Europe et qui disent venez essayer le PSVR, mais pas leur mettre des jeux débiles, leur mettre des chouettes jeux. Parce que je suis convaincu que sur ces 99, je sais pas combien de pourcents de joueurs qui ne connaissent pas la VR, il y en a encore 90% qui n'a jamais mis un casque sur le nez. Donc ils savent même pas ce que c'est, quoi. Certains. Bah, ça se développe dans les magasins de plus en plus. Hein. Maintenant, j'ai l'impression que tous les magasins, style Cultura, Leclerc, Micromania, maintenant tout le monde fait des présentations. J'en ai cité trois, c'est bon. sauf que Cultura, s'ils balancent des jeux à 2 balles, les types ils vont partir en courant. Ou alors ils vont être malades. En plus, j'ai l'impression qu'ils ont l'intelligence, contrairement au salon, comme tu disais dans un dernier podcast, Cyril, qui te mettent S-Combat alors que tu connais absolument pas le jeu et que du coup tu te prends le Jarbotron en pleine face. Là, ils ont l'intelligence justement de mettre des jeux qui sont plutôt. Plutôt accessible aux joueurs non habitués. Donc non, je trouve que l'initiative est très bien. Et puis tout ça devrait s'arranger de toute façon, parce que nous on le voit au travers des PGW ou autres, on en revient toujours à ces fameux PS Move et à cette reconnaissance par l'aide du PSVR, mais quand on voit les nouveaux casques, le Quest par exemple, il n'y a plus besoin d'une configuration type par joueur presque, donc là ça sera beaucoup plus ludique et beaucoup plus ouvert et avec une réelle expérience. C'est le point fort du Quest. Il a le vent en poupe. Mais pas que lui, hein. Non. Mais c'est important d'avoir un casque comme ça qui fait un petit hype en ce moment sur la VR. Qui démocratise un peu. C'est lui qui pousse un petit peu. C'est le PSVR. Il a 3 ans, hein, donc il commence à. Le Quest, il arrive, il amène un peu de son neuf et justement des curieux qui vont commencer à s'intéresser à la VR en général. Après, c'est sûr que sur le Quest, c'est les graphismes de Minecraft, mais bon. Oui, mais en pratique, le Quest, c'est le meilleur ambassadeur de la VR. Espèce de troll. Tu peux y jouer n'importe où. Ça reste le meilleur ambassadeur. C'est correct quand même. Il y a des jeux qui sont Moss, Beat Saber. Le Quest, c'est un casque qui va mettre en avant vraiment la VR, qui va faire gagner des joueurs. Et après, ces joueurs-là vont investir dans des casques pro, quoi, avec un PC. Ou le PSVR, bien sûr, hein, ou le PlayStation. Ouais, tout à fait. Ouais. Parce que de toute façon, une fois qu'on est mordu, on lâche plus. Donc voilà. Oui, c'est une porte d'entrée pour la réalité virtuelle. C'est très bien. Comme l'a été en son temps le PlayStation VR. Hein, donc, ouais. Merci Oculus. Tout à fait. Ouais. Merci Facebook. Et c'est surtout une totale liberté. C'est son point fort. Quoi. C'est ça. C'est vraiment, on n'est plus embêté avec des caméras et des machins à régler sur son PC comme sur Vive, les Oculus, avec des mises à jour et tout ça. On met le casque où qu'on soit, on met le casque, on va chez des amis, on emmène son casque dans une valise. Exactement. Pouf, on met le casque. Et ça par contre. Après, ce qu'il faut juste, c'est juste une puissance de téléphone portable avec une puce quand même qui est relativement puissante, mais ça va s'améliorer. Mais bon, on ne peut pas comparer les jeux d'un Quest, même du PSVR, qui pourtant est bien plus vieux. On peut pas comparer un Quest avec du filaire, tout simplement. Bon. En tout cas, je crois que Cyril, je tease un peu, mais je crois que tu nous prépares un petit dossier là-dessus. Ouais, donc pour dans pas très longtemps, quoi. Voilà. Dans pas longtemps, très, il va rester très, connecté. Très prochainement. Voilà. Quoi ? Si vous voulez tout savoir sur le Quest. Tu t'es acheté un Quest, Cyril ? Tu possèdes un Quest ? Ouais. C'est ça. Et je veux pas dire, mais dans l'équipe, plus ça va, plus on est en train de voir un petit peu la concurrence aussi. Hein. Mais il faut... on s'ouvre à l'extérieur, on s'ouvre exactement. En VR, on a l'esprit ouvert, hein, et VR. C'est ça. Wow. C'est ça. Nouvelle émission. On a l'esprit VR. Mais c'est qui qui a pas un deuxième casque autre que le PSVR ? Bah toi ? Moi ? Sylvion non plus, je crois pas. Moi, c'est commandé. Sinon, hein. Il a deux casques PSVR. Toi, t'as deux PSVR. Ouais, un pour chaque œil. D'ailleurs, je voudrais juste faire une parenthèse. Maintenant, j'ai pu comparer le PSVR première version et le deuxième. Ah, intéressant. Et j'avais dit dans un podcast différent, je ne comprends pas qu'on sorte un PSVR version 2 qui a aussi peu d'innovation. Et en fait, non, je reviens sur ce que j'ai dit. En fait, la première génération de PSVR, il y avait un problème de conception grave. Ouais, le casque, enfin le câble, pardon, il y a un problème avec. Le gros boîtier juste à côté du à 50 cm du casque, c'est ça? Mais oui, c'est une faute. Il est horrible. Le mec qui a fait ça, il faut le virer, hein. En plus, bien carré, avec des bons angles qui s'accrochent bien partout. Le truc bien lourd. C'est nul en fait. Et maintenant, c'est quand même beaucoup plus agréable. Le câble est quand même beaucoup plus fin. Ça reste un labyrinthe de câbles. Et ça me fait rigoler quand on a dit on a raccourci les câbles de 15 mètres. C'est ridicule, hein. Ils ont tous simplement les câbles USB, ils sont plus courts, hein, donc c'est encore plus chiant. Tu parles du boîtier noir sur lequel il y avait les deux HDMI. Oui. Qui traîne par terre. Et si le joueur faisait plus d'1m85 ou 1m90, ce boîtier ne touchait plus le sol. Tout à fait. Et ça posait souci, oui. Ouais. Bon, c'était pas mon cas, je suis plus petit que ça. Bah, c'est pareil, je suis nain. Moi. Ah bon? Ouais. Toi, c'est vrai, je croyais que t'étais le plus grand d'entre nous. Moi aussi. Ah ouais, bah alors, ça vole pas haut. T'es tellement impressionnant avec ta grosse barbe. Oui, mais tu sais quoi? C'est comme Microsoft, c'est tout dans le marketing, tu vois. C'est, bah, ouais. C'est ça. Elle traîne par terre. Pour rester impressionnant. Bon, est-ce qu'on commence à faire un petit peu le tour des jeux du coup quand t'es présenté ? On poursuit, vas-y. Poursuivons avec Battle Wake. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce Battle Wake ? Alors c'est le nouveau bébé des studios Survios qu'on connaît bien. Un jeu sur la piraterie. En gros c'est Sea of Thieves mais en VR quoi. Ouais. J'ai l'impression. Ouais. Vous êtes hypé ou pas ? De la bataille de pirates. Ouais. À noter que c'est un jeu Survios qui a été présenté comme PCVR pendant la conférence exclusivement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait le focus sur tout le mode multijoueur de 1 à 4 en coop, qui à mon avis ne sera pas inclus sur PSVR. Il va être squeezé. Ouais. Alors, hypé ou pas hypé sur celui-là ? Pas hypé. Moyen. Vraiment, vraiment moyen, voire en dessous de moyen. J'ai fait comment s'appelle le jeu ? Bow to Blood. Dans lequel tu diriges aussi un vaisseau. Il y a une impression quand même de volume, de puissance, de diriger un grand véhicule, et tout est fluide. Donc ça, c'est très agréable à voir. Encore une fois, si le multi est là, ça sera encore mieux. Il est quand même joli. On connaît Survios, c'est le studio numéro 1 qui monte en VR, avec d'ailleurs Fast Travel Games, on en reparlera. Ce sont les deux studios qui se sont bien détachés pendant cette conférence. Moi, je suis hypé. D'accord. Et toi, Cyril, du coup ? J'attends de voir, parce que autant j'aime le sujet abordé, le thème, autant ce qui me dérange, bon, en plus, là, si sur PlayStation VR, ça n'y aura pas, peut-être. Le multi, voilà. C'est le multi, moi, qui me dérange. C'est, là, j'ai l'impression que tous les jeux commencent à être que multi, là aussi, sur en VR. Et ça me... Ah oui, mais Cyril, il y a une campagne, c'est un jeu solo. Il y a du solo. Et il y a en plus un mode, comme on appelle ça, battle. Enfin, tu peux t'amuser avec d'autres joueurs. Hein. Donc, c'est quand même. Il y a quand même un mode campagne fini. D'accord. Et voilà. C'est du bonus, quoi. Après, tout ce qui est piraterie, tout ça, je kiffe, comme disent certains, mais ça me fait penser à Sid Meier, vous vous rappelez de Sid Meier, là, voilà, c'était génial, et je trouvais alors voilà, tous les jeux qui se rapprochent un peu de cet univers-là, j'adhère, mais là, bon, je reste sur ma réserve. T'attends de voir, effectivement, 50-50. C'était qu'un trailer, hein, avec un petit peu de gameplay, mais bon, c'est vrai qu'on sentait que le jeu était quand même pas terminé encore, donc on attendra de voir un peu plus. Tout à l'heure, si Lyon parlait de Bow to Blood, c'est exactement la même chose, sauf que Bow to Blood, c'est des navires qui sont volants. Là, on va être vraiment en mer. Après, savoir ce que ça va être, si ça va être que de la répétition, il va falloir taper du navire pendant tout. Niveau 1, on bute ce navire, niveau 2, on bute ce navire. Ce qui peut être intéressant, c'est les rapports d'échelle avec un kraken géant ou des tornades. Donc ça peut être chouette aussi, hein. Je vais pas y non plus, c'est pour ça que pour l'immersion, mon aiguille de hype, je la fous au milieu, elle peut basculer soit d'un côté soit de l'autre. Coupure. C'est le genre de jeu où voilà, j'attends. C'est un peu comme Iron Man, un peu. C'est un truc, je sais pas trop quoi en penser. Tu as le mal de mer ou pas? Pas du tout. Ah, alors, vas-y, hein. France. Bon, très bien. Donc, c'était pour Battle Wake. On va voir ce que ça donne. Ensuite, on avait Doctor Who. Oula. The Age of Time. Voilà. Je ne les fais pas dans l'ordre. Hein, non, c'est un peu le désordre. Moi, je ferai une parenthèse sur l'ordre de la conférence tout à l'heure, mais ok, c'est un gros jeu aussi. Tu as raison d'en parler, effectivement. Bah, grosse licence quand même, qui a une grosse fanbase, hein, quand même, Doctor Who. Hein. Très mal présenté pendant la conférence. On ne savait pas absolument pas de ce dont on parlait quand ça a commencé. Très monochrome. Ça a l'air d'être un jeu donc un peu puzzle game. Graphisme comme on les connaît sur PSVR. Voilà, on interagit avec des objets en tout temps d'intérieur, très sombre. Moi, je suis pas fan de la série, donc je vais pas me prononcer plus avant. Mais par contre, c'est excellent pour ceux qui sont fans. Génial, quoi. Ils ont de la chance. Hein. Et ça reprend des épisodes connus de la série. C'est pas une nouvelle histoire en fait. Ah. Ça reprend même des vieux épisodes. Je suis pas non plus un gros connaisseur. Avec quel acteur principal? C'est Jodie Whittaker. C'est la nouvelle. C'est la nouvelle. Ah ouais, la nouvelle Docteur. Ah ouais, Jodie, oui, effectivement, ouais. Ouais. Ah, super. Voilà. Donc voilà. Donc hypé ou pas hypé pour celui-là? Moi, pas hypé, moi. Ouais, mais bis. Ok. Pareil, pas hypé parce que déjà je connais pas Doctor Who, alors. Ouh. Ouais. Bon, en fait, c'est le problème, justement des adaptations de licences comme ça, c'est que si t'as pas de l'affection pour la licence, et c'est justement t'en fous un peu, quoi. Voilà, c'est justement le double problème. C'est pour moi c'est ce qui me fait peur parce que je suis capable grâce à ce genre d'expérience d'aller regarder la série. Ah oui, si elle est bonne. Par contre, ce qui me fait peur, c'est qu'en général, tout ce qu'on a vu venir en VR sur des grosses licences, en général, c'est de la merde. C'est pas jojo. Donc, ça veut pas dire que Doctor Who sera pourri ou que ce sera peut-être une expérience d'une heure ou un truc de deux heures. Ou, voilà. Non, déjà, c'est un frein pour toi, quoi. Voilà. Bah, pour l'instant, on n'a rien eu qui nous dit oh, putain, ouais, ça c'était vraiment bien. Peut-être la planète des singes qui était pas si mal que ça, je m'attendais à pire. Mais bon. Si c'est extra, que l'ambiance me plaît et tout, si ça se trouve, je vais regarder toute la série, je vais démarrer la saison 1, quoi. Mais si c'est... Ouais, la saison 1, elle date elle est très vieille, et je crois qu'il n'y a pas tous les épisodes, ils n'ont pas réussi à tout récupérer. D'accord, bon. Voilà. Mais comme disait Laurent, c'est très, très vieux. Hein. Après 20-25 ans de gaming, on commence à comprendre que, effectivement, les licences transformées en jeux vidéo, c'est jamais très heureux. Enfin, c'est rarement heureux, on va dire. Donc moi aussi je suis très prudent, je suis pas hypé. Ça marche dans l'autre sens aussi. Ouais. Mais belle exposition, bonne initiative, bon plan, oui. Ça c'est bien. Ouais. Bah, de mon côté je suis pas hypé parce que je suis pas fan de la série. Ah bah voilà. Pareil, hein. Tout simplement. Et d'ailleurs en parlant de série aussi qui va être adaptée, The Walking Dead Onslaught VR. Ah ouais. Critiqué pour ces graphismes. Ça a fait peur. Ah, hein. C'est vrai que c'est bizarre hein, quand même les graphismes. Ça fait très bizarre. Hein. On dirait les graphismes un peu de la licence de Telltale, mais en moche quoi. Bon, on connaît Survios. Hein, oui, Survios qui fait ce jeu. Ils ont d'autres atouts en main, à savoir un système de locomotion qu'ils ont beaucoup mis en avant et d'interaction avec les morts vivants que tu pourras vraiment saisir. Avec, en l'occurrence sur PSVR, tes moves. Donc il y a à mon avis une physique du jeu qui est très développée. Donc on va pas cracher dessus, mais il fait pas envie. Hein. Il fait à côté des autres jeux, il faisait vraiment pitié. Hein. Ah, ça a l'air d'être une petite map en plus qui a été présentée. C'est très bizarre. Hein. C'est le jeu. c'est le jeu entier, ouais, d'accord, super. J'espère pas, parce que. Ouais, c'est quoi, c'est une expérience de toute façon. C'est, ah bah, c'est une commande. C'est pas Survios qui se sont dit on va travailler pendant 3 ans pour faire un jeu parce qu'on a la licence Walking Dead. C'est directement. Ouais. Tu fais bien c'est dire directement que c'est AMC qui a commandé à Survios un truc et qui va sortir comme par hasard à la sortie de la saison 10. Donc c'est promotionnel. Tout à fait. Et en plus, Et je voulais juste dire que moi j'ai vraiment décortiqué le vocabulaire qui avait été employé pendant la conférence et justement ils ont dit que c'était horrifying experience. Ils ont vraiment utilisé le mot expérience et ça fait peur. Voilà. Ouais, ça, c'est pas le mot horrify, c'est une expérience qui va. Ouais. On sait pas. Peut-être les deux en fait. Hein. Ouais. Et là, pour moi, c'est du Doctor Who, c'est pareil, c'est dans le même panier. C'est un truc. Alors, si tu t'en mets pour 5 balles et que tu t'amuses pendant une demi-heure, pourquoi pas, ou une heure. Pourquoi pas. Si t'es fan du truc, pourquoi pas. Mais bon, après, il faut l'attendre tel qu'il. Voilà, faut l'attendre. C'est quand même bizarre qu'il fasse une expérience comme ça sur une série qui est un petit peu tout sautante maintenant au bout de la 10e saison, enfin même au bout de la 9e, voire même au bout de la 6e ou de la 5e, diront certains. C'est pour lui redonner du mordant. Qui est en train vraiment de se casser la gueule. Oh, excellent. Mais ouais, qui est en train de se casser la gueule. Et tu vois, ils sortent un jeu VR, tu vois, ils font une commande sur un jeu en VR sur une série qui est en bout de vie, quoi. Donc c'est très bizarre. Ouais, Sylvain, excuse-moi. Je veux juste dire, ils ont suivi la hype. Je sais pas, si vous avez regardé toutes les conférences, si vous avez observé tous les jeux, le nombre de jeux, encore cette année, en 2019, post-apocalyptique, avec des zombies, c'était impressionnant. C'est trop. Et dans les commentaires, les gens en pouvaient plus. Ils disaient encore un jeu de zombies. Et c'est vraiment suivre la hype de Arizona Sunshine qui ne s'essouffle pas, qui va continuer au mois d'août avec un DLC, le plus gros DLC qu'ils ont jamais fait. Mais après, si The Walking Dead est coop à deux joueurs, avec toute la culture et des personnages, parce que chaque héros aura ses propres armes, là encore, ça peut être bandant, entre guillemets. Mais si c'est un jeu solo où tu tires à l'arbalète avec des graphismes de PS3, c'est déjà moins intéressant. Ouais. Il y a deux niveaux apparemment. Un premier niveau où tu es dans ce restaurant et tu vas tirer sur une meute de zombies. Et le deuxième niveau où tu seras dans la forêt et ça va être du corps à corps. Ouais, c'est quand même révélateur d'une courte expérience. Hein. Une heure et demie, deux heures. Ouais. Si t'accroches. Hein. Bon, 2 heures, c'est pas mal quand même pour une expérience. Ah, mais j'en sais rien. Hein. Ça se trouve, ce sera 20 minutes. Si t'accroches. Imagine, c'est 5 minutes comme Spider-Man Homecoming. Ouais. Berk. Ouais, déjà, c'est pas pour moi, donc ça me fout les jetons. Mais c'était hypé ou pas hypé? Donc toi, Cyril, pas hypé? Ah, du tout. Et toi, Cyril? Milieu. Ouais, je suis comme Laurent, je suis 50-50, j'ai envie d'y croire, il y a du potentiel, ouais. Mais... J'adore dézinguer des zombies quand même. Donc... Ah, t'es pas ironique quand tu dis ça? Ah non, j'aime bien. Moi. J'aime bien quand tu plantes des coups de hache, que ça gicle et tout. T'aimes bien démembrer les gens, toi? Ouais, ça m'amuse. Quoi, cette histoire, Moi, j'ai, c'est cathartique. J'ai vraiment des... Ça peut être drôle, tu sais, mais 5 minutes, mais vraiment 5 minutes, mais après, au bout d'un moment, ok, je le prends par la gorge, je lui mets un coup de poignard dans la tête, celui-là, je lui mets une arbalète. Mais. Bah, tu sais, Sylvion, t'as un jeu sur Oculus qui cartonne, c'est Robo Recall. Et c'est pas des zombies, c'est des robots, et c'est à peu près le même principe. Hein. Tu te TP, tu peux choper les robots par, ouais, mais c'est speed. Par le cou. C'est speed, tu peux les balancer en l'air et tout. C'est un jeu de performance. C'est... T'as un système de jongle, etc. Et ça marche bien. Ouais, mais t'as pas le bruit de pastèque écrasée quand tu leur tapes dessus. Et voilà. Moi, je préfère les tuer des zombies que tuer des robots, tu vois. Ah, Laurent m'a fait changer d'avis, alors je suis vachement hypé là. T'as convaincu? Ok, parfait. Bon, on va rester un petit peu dans les zombies. C'est Golem VR. Alors celui-là, on pensait qu'il était mort. C'est quoi? Il revient entre les zombies. Morts. Les golems, ça n'a rien à voir. Mais je sais. Golem, c'est le jeu, c'est un zombie. Il n'était pas annoncé sur PS2, Golem, non? Non, mais si on reprend Golem quand même, dans pas la mythologie mais dans la légende, ça reste quand même une histoire liée avec la mort, hein. Donc ta transition elle est pas si mauvaise que ça. je parlais du jeu, alors le Golem, donc le Golem qui se trouve donc à la synagogue de Prague sous le toit et qui est un monstre d'argile, etc. Je sais très bien ce que c'est, un Golem, bande d'incultes. Non, mais en fait c'est vraiment le jeu, en fait ça fait tellement longtemps qu'on en a entendu parler et il a été annoncé par Perp Games, hein, même pas par le studio, même pas par Sony, rien du tout. C'est Perp Games qui a fait une parenthèse sur leur sortie physique, parce que Perp Games, c'est quand même celui qui presse le maximum de jeux physiques sur PSVR notamment. Il va y avoir Sorrento VR qui va être disponible en boîte, Moss qui l'a été il n'y a pas si longtemps, mais il y en a une multitude, ça se développe, tant mieux pour eux, on les soutient, super. Mais c'était quoi l'annonce? C'était et Golem, le jour de son lancement, il sera aussi disponible en boîte. C'est ça l'information Golem, point. Du nouveau gameplay aussi qui a été montré un petit peu. En tout cas, on voit que le jeu a évolué depuis le premier trailer qu'on avait vu il y a quelques années. Le projet n'est pas mort. Le projet n'est pas mort. On sait qu'il va être montré par Sony, mais ça faisait pitié. Moi, j'ai pas de date. C'est indécent de montrer Golem an après avoir dit « Ah oui, il va sortir bientôt. » Vous vous rappelez, hein, c'est pas du remplissage un peu. Golem était censé sortir quelques jours après Moss, et tout d'un coup, ils ont tweeté « Non, finalement, on va encore le travailler un petit peu, mais il va sortir très très vite. » Ça fait un an et demi, les gars. Hein. On les respecte, hein, mais ils sont très bons, hein, les membres du studio. Hein. Mais c'est pas acceptable. Enfin... Long, c'est long. Ah bah là, après, il faut... ouais, le mieux, c'est de pas donner de date du tout. Là, au moins, ils l'ont pas fait. Ben, ça fait peur, ça fait peur. Sylvion, t'es hypé ou pas ? Le pire, c'est que je suis hypé par ce jeu. J'aime bien le traitement graphique et... Et sympa. Moi j'aime, je suis très sensible. Il suffit de voir le trailer, ça donne envie. Il y a aussi une dimension d'échelle qui est extrêmement bien utilisée en VR. Mais encore que les combats à l'épée ont été assez critiqués lors des premiers essais en salon, et le jeu a été annoncé en 2016, comme le disait Laurent. Hein. Mais il faut qu'il montre du concret maintenant. Hein. L'année dernière, je crois que c'est un jeu qui a été montré en gameplay à l'E3. Et ça faisait peine à voir. Hein. Cyril ? Mais moi, je vais dire le contraire de tout le monde. Je suis hypé, mais vraiment hypé, parce que je pense qu'il nous prépare quelque chose de faramineux. 2020, il va falloir occuper le terrain, et ce jeu, ils ont dû sentir depuis le début le potentiel, et ils se sont dit, on va le repousser un peu comme Ace Combat 7, que je place à chaque émission. On va le repousser, il va être génial. Voilà. D'accord. Bah, tu penses qu'ils attendent vraiment la maturité du Je pense qu'ils sont partis d'une feuille blanche et ils ont fait une copie, ils ont relu, ils ont dit mince, on va changer ça. Et puis, mais ce doit être des éternels insatisfaits pour repousser à chaque fois leur travail. Mais ça veut dire qu'ils sont perfectionnistes, donc ça devrait être du tout bon le jour où ils se décideront à le lancer, quoi. C'est une possibilité. Encore une fois, je suis au milieu. Parce que ce que dit Cyril, c'est vrai. Enfin, le Suisse. Ah non, mais là, ouais. Alors, Golem, quand la première fois qu'on en a entendu parler, j'étais méga hypé. Parce que justement, il y a ce rapport d'échelle où on commence à la taille d'un cafard et on va devenir un géant. Donc, le rapport d'échelle en VR, on sait que ça fonctionne très bien. Mais le problème, c'est qu'on attend, on attend, c'est repoussé, c'est pas prêt, c'est repoussé. Et on sait que d'un côté, soit ils sont très perfectionnistes, mais en sachant qu'un studio, ben, il a besoin de rentrer du pognon, donc ils sont quand même pressés de le sortir. Donc, s'ils le sortent pas, je me dis aussi qu'il est vraiment peut-être pas bon du tout. Et puis on a vu des jeux comme on a vu des jeux comme Sian de Obduction par exemple, qui a été également repoussé, annoncé, et puis après carrément on est resté un an je crois sans avoir de nouvelles, et quand il est sorti c'était une énorme daube. Ouais, la différence c'est que Golem c'est un jeu exclusivement VR et PSVR. Voilà. Donc, oui, que Sian c'était pas le cas. Enfin, soit techniquement il y a quelque chose qui va pas. Moi je pense que c'est le gameplay. Ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent parce qu'il n'y a pas la patate ou parce que je ne sais quoi, ou le gameplay qui fonctionne pas. Ouais. Et dans ce cas-là, et ben à la fin, ils ont que ça comme jeu. Il va bien falloir qu'ils sortent pour qu'ils rendent du pognon. Soit ils sont perfectionnistes et dans ce cas-là, ils vont nous pondre un truc de dingue. Les deux sont possibles. Donc encore une fois, je suis au milieu, quoi. Mais je suis toujours effaré de ces reports, de ces développements à rallonge. Mais comment font des studios comme ça pour survivre ? Je mets mon petit grain de sel. Oui. Et est-ce que ça serait pas volontaire, puisque Sony n'étant pas présent à l'E3, est-ce que c'est pas un jeu sur lequel va communiquer Sony prochainement ? Bien sûr. Ah, ouais. Ça c'est possible très bientôt. On l'a remarqué ça aussi. Des jeux, on avait un premier contact, et puis tout d'un coup les développeurs ils se ferment comme des moules. on peut plus rien leur sortir comme information et tout ça. Puis après, pendant un an et demi, on n'entend plus parler du jeu. Et paf, il y a Sony derrière qui le balance, et c'est un gros titre en général. Donc c'est possible aussi. Ouais. Et il se réserve la hype. Oui, c'est vrai. Ouais. À voir. Okay. Ça se trouve, il a un super potentiel. Sony l'a vu. Ils ont dit putain, lui, il est vraiment bien. Et puis ils ont dit, on va le peaufiner jusqu'à pour faire un truc d'ampleur, quoi. Ouais. Voilà, on espère. C'est vrai qu'on l'attend tous quand même. Vivement qu'ils sortent, par contre, parce que c'est vrai que ça devient long. Quoi. Ça commence à faire long. Mais c'est quand même étonnant que Perp Games, donc, après avoir dit Pixel Rift va sortir donc, en version boîte, on va sortir Sorrento VR, et qu'ils mettent pendant quelques secondes Golem. Bon, je trouve ça un petit peu... C'est pas rabaissant, mais... Il mérite plus Golem que d'être introduit par une boîte qui fait des Blu-ray, quoi. Des boîtes. Oui. Oui, mais bon, on va voir si Sony en parle prochainement ou pas. Bon, s'ils en parlent pas, la destinée sera plus ou moins tracée. Bon. Eh bien, on verra ça. En tout cas, est-ce qu'on en sait plus sur Minimech Mayhem de Future Lab? À fond. Les British. À fond. Ça a été le jeu PSVR le plus mis en avant, je trouve, pendant cette conférence. C'est un jeu qui sort bientôt, à la fin du mois. Il sort très bientôt, hein. Le 18. Hein. 18 juin, ouais. 18, qu'est-ce que c'est, un petit peu? Si on doit faire un petit résumé de ce Minimech Mayhem. C'est un tactical, c'est un jeu d'action tactical à plusieurs. Il y aura une campagne solo, bien sûr, tu pourras jouer seul. Donc c'est au tour par tour. Tu as ton avatar que tu peux customiser, à savoir ton casque, hein, et donc ton petit robot que tu choisis avec des capacités spéciales, des attaques spéciales. Le but étant donc d'éradiquer trois autres. Tu peux les faire sortir du terrain parce que tu vois un espèce d'échiquier en face de toi. Donc moi j'adore ce genre de jeu, donc je vais pas cracher dessus, je suis toujours hypé. Il est joli, il est bien fait, ils ont l'air de l'avoir peaufiné. C'est un jeu drôle aussi. Mais très axé quand même sur la customisation, j'ai peur que ça prenne trop de place et qu'il compte trop sur, tu sais, le délire, les gens qui rigolent entre eux, plutôt que sur le gameplay lui-même. Il faut voir, il faut y jouer pour vraiment se donner une idée, mais ça a l'air propre. Tu penses que c'est un casual game? Tu le vois comme ça? Eh ben, c'est la peur que j'ai, parce qu'il faut que le jeu soit profond. Moi j'ai fait donc Table of Tales, le RPG au tour par tour. J'étais déçu par la profondeur du gameplay qui était très basique, on revenait vraiment au balbutiement du tactical RPG. Mais je reste confiant, il a du potentiel ce jeu, il est vachement mis en avant. J'ai envie de l'aimer, donc j'ai envie de le hyper, donc oui. D'accord, donc hyper pour Cillion, le spécialiste. Mm-hmm. Pour moi aussi, ouais. Là, ça a l'air coloré, ça a l'air... Alors, ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser à Bomberman un peu, donc... C'est mignon. Le plateau, aussi. Ça me fait penser à ça, quoi. T'as raison, c'est proche, en fait, hein, dans l'esprit. Ouais. Le seul point négatif que je vois, c'est en fait l'exclusivité PSVR. Un jeu exclusif PSVR, en général, qui est mis comme ça... En multi. Qui est mis comme ça en avant, multi ou pas multi, mais il est mis en avant parce que Sony paye, quoi. Quelque part, ouais, c'est ça. Oui. Donc, à voir. Encore une fois, il faut voir en jeu. D'accord. Et toi, Laurent? Pourquoi pas? J'avais bien aimé Tiny Trax. Je le trouvais plutôt joli dans l'ensemble. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont très fait difficile, Tiny Trax, très difficile à jouer, par contre, Tiny Trax. Il était dur. Hein. Mais niveau esthétique, j'aimais bien, moi, cet esprit de me retrouver dans une chambre avec des petites voitures. Et c'était très coloré, c'était très, très joli. Ça faisait très joué. Voilà. C'était vraiment sympa. J'aime bien, en plus, d'un côté, j'aime bien démonter des zombies, mais d'un autre côté, j'adore aussi les jeux très colorés. Donc ça... Je sais même pas si j'aime pas encore plus les jeux colorés que les jeux où on tue les zombies. Et celui-là, bah, il est très coloré. Donc, c'est bien. On apprend des choses. Donc, il faudrait pouvoir démonter des zombies avec un truc très coloré, en fait. Mini-mech, non, pourquoi pas. Pourquoi pas celui-là. Okay, j'attends de voir un peu plus loin, mais pourquoi pas. Ok, mais ensuite on a eu la présentation d'un jeu qui est déjà sorti sur PC, sur Oculus. C'est Budget Cuts. Il y a un système de Neat Corporation, hein, c'est un système en fait, un jeu d'aventure où on se bat contre des robots avec un petit système de téléportation assez innovant. On balance une petite boule pour pouvoir se téléporter plus loin, on peut passer dans des endroits inaccessibles, etc. Et donc, voilà. C'est plutôt sympa. Qu'est-ce que vous en pensez de celui-là? Est-ce qu'il vous intéresse? Est-ce que le gameplay un peu particulier vous intéresse? Ok, super, merci. Je vais faire court. Budget Cuts, je sais que Sébastien il est hypé. Moi, je suis pas hypé. Pourquoi? Parce que c'est téléportation. Mais ça fait partie du gameplay. Donc, exactement. Ouais, mais quand même, ça me bloque. Non, je suis pas hypé. D'accord. D'accord, ok. Et toi, Cyril? Bah là je vais faire mon Suisse de base comme Laurent, voilà, je vais dire 50-50. Alors par contre je reviens sur le fait que ce soit téléportation ou autre, je préfère un bon jeu bien optimisé pour la téléportation que, qu'un jeu avec des mouvements libres où c'est pas du tout optimisé et donc voilà, ça ça me dérange beaucoup moins au final. Ouais. C'est ça, là on peut parier justement sur le fait que le game design est vraiment prévu pour la TP, en plus c'est pas de la TP à deux balles où tu t'appuies sur un curseur et que t'avances, non. Là ça fait vraiment partie, enfin t'as des stratégies et des énigmes en fait que tu peux résoudre grâce à ce système là, donc ouais, moi je suis plutôt hypé. Et toi Laurent? Pareil, ça hypé aussi, j'aime bien le style. Ce que j'aime bien c'est qu'en fait un jeu qui est trop réaliste, on a souvent tendance à voir arriver l'aliasing et sur des jeux aussi simples graphiquement, eh ben on sait que dans le casque ça rend super bien. Alors un jeu qui rend si bien, c'est sûr que par contre moi le déplacement libre, je suis un grand adepte du déplacement libre et je crache sur la téléportation en général. Donc je vois pas pourquoi je ferais une exception pour celui-là. Après faut voir quoi. Pour moi c'est un gros nuage qu'il a au-dessus de la tête cette téléportation. Après faut voir comment c'est géré. Ouais. Ouais voilà, moi j'en reviens de tout ça là. Avant je bannissais tout ce qui était téléportation et au final maintenant je deviens raisonnable. Ça me gonfle. Alors si c'est vraiment de la téléportation libre où on peut aller exactement à l'endroit où on veut, je trouve ça complètement débile de pas avoir proposé du déplacement libre. Ouais. Moi je pense que il a souffert de deux choses, budget cuts dans sa com pendant la conférence. C'est d'une part donc que Budget Cuts 2 sort aussi, a été annoncé en même temps. Oui. Et aussi, excuse-moi de chier sur ton planning, Saïd, de ton émission, c'est que il a été mis en concurrence quelque part sur le genre du jeu de furtivité avec Espire One, qui graphiquement a l'air quand même beaucoup plus abouti, avec un côté un peu plus réaliste, encore que faut voir ce que ça donne en jeu. Toi, ça, il me semble que tu y as joué, non? Alors non, en fait, c'est vrai qu'on en a discuté, ça n'a rien à voir. Merci, donc tu es complètement en train de me foirer le truc. Non, en fait, c'est avec Sébastien, on en discutait, et lui, il parlait de Esper. Fake. Et donc du coup, ça n'a rien à voir. Putain, mais du tu tout, connais en fait. Rien, c'est un jeu en vert en fait. Hein. Mais c'est lui qui a fait une faute de frappe. Alors, moi je rentre dedans, tu vois. Oui, il avait mis Esper, ouais. C'est vrai, je confirme. J'étais étonné aussi qu'il y ait une early access sur un jeu comme ça. Mais PCiste de merde. J'avais pas du tout d'excuse sur ce coup-là, non. Alors on s'est pas compris, donc là vas-y, je vais ramer quoi. Donc ouais, Espire, ça a l'air pas mal. Hein. Alors ça, parle-nous du jeu. Tu l'as fini ou pas? One, VR, opérative, bien sûr, dans ma tête, j'ai déjà terminé. C'est un mélange de Golden Eyes et de Metal Gear Solid, je suis en train de lire l'article, là, c'est complètement scandaleux. Non, je sais pas. Et en tout cas, c'est vrai qu'il a l'air plutôt sympa. Ce qui est hallucinant, c'est qu'il sort au mois d'août. Hein. Ouais. Et comme quoi, tu vois, c'est pas forcément le plus intéressant de donner des jeux trop il y a très longtemps quoi. Détail qui a son importance et qu'on a entendu et qu'on pourra répéter sur d'autres jeux, c'est un jeu qui est solo et qui aura aussi une dimension multi, mais qui ne sera pas présent cette option sur PSVR ni sous Quest. C'est pas étonnant. Oui. Ça demande pas mal de puissance de pêche quand même, donc on se rend bien compte que beaucoup de jeux multi sur PC ne le sont pas sur PSVR, donc oui, et puis peut être très bien quand même. IP, pas IP? Oui, bah IP moi, ouais. IP. Ouais, ça peut le IP. Faire, ouais. Il a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne bien, donc pourquoi pas. Donc c'est un jeu aussi qui a mis beaucoup le focus sur le motion sickness dans ses modes de déplacement. Je ne sais pas si vous avez remarqué que quand vous vous déplacez d'un point à un autre, tout d'un coup l'écran, donc il y a tout un effet de transparence et un rectangle au milieu qui vous montre votre déplacement, à traduire par, en fait ça se déplacera, on se déplacera comme dans Blood and Truth. Ouais. D'accord. Ouais. Et avec une vue dans un rouleau de papier toilette. Exactement. Ouais. Mais je reste à IP quand même. Ouais, mais je pense qu'après il va y avoir des filtres, enfin des options pour supprimer les filtres. Ils peuvent pas les désactiver ces machins là. Ils nous mettent une option, on appuie sur un bouton, on désactive quoi. Ça sera peut-être possible donc. Oui, bien sûr. Après, faut pas oublier, je fais le comme c'est un jeu qui est prévu sur PlayStation VR, faut pas oublier que c'est souvent une demande de la part de Sony. de mettre ce genre de filtre. Voilà, notamment sur Detached, que tu avais testé, ouais. Say. Voilà, on avait fait l'interview du studio. Et c'était bien spécifique, c'était une demande de Sony, de contrairement à la version PC, de mettre des filtres. Ouais. Et ouais. Ça, c'est... Le souci, c'est pas qu'il y soit, c'est qu'on ne puisse pas l'enlever, quoi. C'est ça qui est grave. Ouais. Ah, il est peut-être possible de le faire... Des jeux où on peut pas enlever ses filtres, il y en a quand même. Hein. Récemment, Summer Funland, tu fais du Grand 8, t'as envie de t'éclater, et finalement, d'un coup, c'est tout noir tout le tour, et tu peux pas le désactiver. Et sur PC VR, ça m'énerve. Je sais pas sur PC, je te le dis, si on peut, mais... Tu peux, bien sûr. C'est chiant, quoi. Du coup, t'as plus aucune sensation, c'est complètement pourri à la fin. C'est pour ça que maintenant, après les quelques années, maintenant, 2 ans et quelques de PSVR, tu te dis avec le recul, ok, nous, parce qu'on est habitué, on joue beaucoup, on s'est beaucoup plaint du fait qu'il y avait trop de filtres, de réticules, que ça n'allait pas assez vite sur PSVR. Que les expériences étaient plus statiques qu'autre chose, et les expériences étaient courtes. Bon, c'est le début, donc pourquoi pas. Mais ça, exactement, ce cahier des charges Sony, moi, c'est ça qui m'embête le plus, et c'est ça qui pourrait me faire quitter la famille Sony si, comme tu dis, Laurent, on laisse pas le choix aux joueurs, parce qu'au bout d'un moment, quand tu as l'habitude, t'as plus besoin de tous ces œillères. Et. Je sais pas, il y avait Summer Funland que tu as testé il y a pas si longtemps. C'est un bon jeu, je pense, effectivement, pour quelqu'un qui n'a jamais joué à la VR pendant quelques minutes, quelques heures, pour faire découvrir. Ouais. Mais c'est un mauvais jeu pour quelqu'un qui a l'habitude. C'est pas possible. Mais pour en revenir à Sony, attention, ils demandent à ce qu'il y ait ce genre de filtre. Ils disent pas qu'il doit pas être ôtable. Hein. C'est du ressort des développeurs hein, de faire l'option ou pas. Enfin, de faire l'option, ils sont obligés dans la mesure où c'est une demande. Mais c'est à eux à donner la possibilité de pouvoir l'enlever ou pas. Donc, dans Detached, tu peux tout enlever. Hein. Voilà, oui, je me souviens. Et accroche-toi. Ouais, et accroche-toi, parce que... C'est pareil, là, c'est vraiment de corps. On a fait l'interview de toujours le même studio qui a fait Detached, donc pour le jeu Téléfrag VR. Bon, mais c'est pareil, ce genre de filtre sera encore présent, parce que ça reste encore une demande de la part de Sony, et que, voilà, c'est acté dans leur processus de création de jeu, mais par contre, c'est toujours pareil, c'est actionnable ou pas, quoi, voilà. Bon, ça, c'est bien. Ça paraît indispensable qu'il y ait quand même quelque chose qui soit en VR pour protéger les gens sensibles et qui soit activé d'office quand tu lances le jeu, je le comprends, mais d'avoir des jeux où on peut pas le désactiver. Par exemple, dans Blood and Truth, quand tu pars et que tu te casses, tu sautes par-dessus un immeuble, il me semble que tu as des filtres aussi. Moi, quand tu fais le saut de l'ange, je veux pas qu'il y ait de filtre. Au contraire, je veux vraiment que ça me fasse des petits guillis au ventre et là, rien. Quoi. T'as toujours cette espèce de c'est ton goût du sang, ça. Ouais, mais bon, ils ont fait. C'est tellement dommage qu'il n'y ait pas dans les options juste un petit bouton, puis tu l'enlèves et puis c'est réglé. Oui, ça c'est très regrettable. Quand tu vois Wipeout, avec ou sans filtre, tu t'en prends quand même plein la gueule, hein, donc c'est un peu hypocrite. Mais bref. Ouais, on a remarqué un truc, Marc, Silon, quand on a joué à Wipeout, hein, c'est que sur certains circuits, en fait, t'as les petits volets en fait sur ton vaisseau qui se mettent automatiquement. Ouais. Comme ça. Ouais. Ça, c'est très très très embêtant parce qu'en plus, il reste par défaut ensuite, t'es obligé de retourner dans les options avant le début de la course en panique. En plus, t'as pas beaucoup de secondes pour les changer, pour pouvoir les enlever, quoi. Donc. C'est vrai. Je sais pas. Tu peux dire, voilà, c'est bon, je suis habitué à la VR. Ça fait 3 ans que j'y joue. Foutez-moi la paix, ça serait bien que tu puisses mettre cette option là. Non, mais c'est pour moi, j'en démords pas. C'est les développeurs qui y pensent pas. Là, tu regardes le jeu Ultra Wings, tu peux les activer ou les désactiver ces filtres. Donc, si un petit studio indépendant a su le faire, je vois pas comment un gros ne peut pas le faire. Quoi. Il n'y a pas pensé, c'est tout. Quoi. Bon, on passe à la suite. Du coup, est-ce qu'on parle de Hungry Birds 2 Under Pressure? Il a été montré et remontré 3 fois pendant la conférence d'ailleurs, ce jeu. Hein. Comme quoi les grosses licences, hein. Ça aide. On a plus vu du film que du jeu, hein, au final. C'est ça. Donc c'est The Playroom, qui est un excellent concept que Sony... c'est l'avantage Sony. Ils ont une console, ils peuvent se permettre ça, et sur PCVR, c'est pas du tout démocratisé. Donc c'est le jeu casual, famille, dans le canap, avec un des joueurs qui a le casque sur la tête. C'est génial. C'est le meilleur concept qu'ils peuvent mettre en avant sur console. Juste un petit truc, c'est marrant, dans la vidéo, en fait, c'est une petite fille de 7 ans qui a le casque sur la tête, donc c'est bon. Maintenant, on peut mettre le casque bien avant 12 ans. T'es sûr qu'elle a 7 ans? D'après Sony. Ah bah, je sais pas, c'est une petite gamine, elle a pas 12 ans, ça c'est sûr. C'est une gamine, elle a 7 ans. Ça vous a pas choqué, ça, vous? Non, moi ça me choque pas spécialement parce que je sais que mes enfants, de temps en temps, ils aiment bien jouer. C'est une personne de petite taille, je crois. Hein. C'était pas une fille. Voilà. Non. Moi, je suis le seul père responsable, ok, très bien. Arrête, tu sais que je suis très sensible à ça aussi. Non. Ah, ouais, j'ai pas remarqué, tiens. Mince. Ah, si, regarde. Oui, mais Angry Birds, tu peux. Donc, c'est, ouais, effectivement. C'est 12 ans sur théoriquement, PSVR. C'est conseillé, c'est pas. Ouais. Et chez Nintendo, c'est 7 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a pas le casque n'est pas fixé à la tête. Et que l'enfant, s'il a peur, peut sortir tout de suite en enlevant le. Alors que dans le PSVR, s'il a peur, il va paniquer, il va tirer sur les fils, il peut se. Voilà. Waouh! C'est ça en plus. C'est ce que Nintendo en dit quand on leur a posé. Je sais plus sur quel salon, il y a quelqu'un qui leur a posé la question pour savoir pourquoi c'était 7 ans. Et les ingénieurs ont répondu ça. Mais c'est ça. C'est parce que tu n'es pas. Tu es immergé dans le monde, mais au moment où tu veux en sortir, tu as juste à enlever le masque et c'est fini. Pas la question d'avoir un écran à 2 cm des yeux, quoi. De la rétine. Pas du tout. À un petit âge. Chacun met la barre qu'il veut, quoi. Pour le Quest, c'est 13 ans. C'est Orange Mécanique, quoi, en fait. Hein. Un peu, ouais. C'est ça. Horrible. Ouais. J'imagine des réunions, tu sais. Oui. Alors, non, c'est bon, on va dire que parce que le casque, il n'est pas attaché, c'est bon. Ouais, il faut y penser. Moi, j'imagine des salles de test avec plein d'enfants accrochés sur des chaises d'âge différent, avec des mecs en blouse autour. Alors, aujourd'hui, on teste Resident Evil 7. Alors, Marjorie, comment ça va? Fille de 4 ans. Je vois des gens qui sont morts. Tu as fini le jeu 4 fois. Alors, ton ressenti. Comment faire des psychopathes? Je regrette de ne pas faire d'enfant pour ça, tiens. Ouais, bah, moi, je regrette. Oui, mais en même temps, ça marche bien quand ils sont sauts. Oh, ouais. Bon, et Undead Citadel, vous en pensez quoi alors de ce jeu-là? Puisqu'on parle de mort encore, là, on y est en plein. Restons dans la mort. Alors, justement, il a été présenté, ce jeu. Jérémy, donc l'un des journalistes de Upload VR, qui faisait donc le présentateur de la conférence, il l'a présenté pendant l'encart où il était là. Ah, et vous, hein, les fans de PSVR, ça va? Vous aimez bien le show? Il a commencé donc, maintenant les jeux qui suivent sont pour vous. Il a commencé donc par Angry Birds 2, Under Pressure, et suivi de Undead Citadel. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est le downgrade graphique de l'extrait de gameplay. On sentait bien que c'était la version PSVR qui était montrée. Et là, d'un coup, quand j'ai vu le gameplay, je me suis dit, ah, c'est ça, c'est bien, mais c'est que ça. C'est très limité. Tu t'attendais à quoi? C'est très limité. Tu t'attendais à quoi par rapport au trailer qu'on avait mis sur la chaîne? C'est très bourrin, quoi. Bah, c'est super limité, quoi. C'est quoi l'intérêt du jeu? On n'a pas tous les jours l'occasion de tuer des squelettes. Et toi avec tes zombies et tes squelettes. Et Laurent, il est là. Ouais, c'est génial, mais c'est génial. Non, si c'est tout le temps pareil, ça va être chiant. Je crois que c'était. Bon. Vous connaissiez Painkiller à l'époque sur Painkiller, PC. Painkiller, non, ça me dirait. Ouais, ce FPS en fait où on avait plein d'armes, on avait plein de zombies, de squelettes qui nous sautaient sur la tronche. Et on avait un lance-pieux, et c'était vraiment marrant, dans des décors vraiment qui me faisaient beaucoup penser à Undead Citadel. Il y a des gens qui sont excités là. Et ouais, ça me fait vraiment penser ça. En tout cas, la même ambiance, c'est-à-dire un jeu vraiment bas du front, t'es là uniquement pour te défouler et puis défourailler à tout va, et qui va pas chercher plus loin, et que des fois, de temps en temps, t'as pas besoin d'un gros scénar. Ouais. Juste après une journée de taf, moi je me vois bien éclater du squelette à tour de bras. Ce que je veux dire par là, c'est plutôt hypé par celui-là. Ce que je veux dire par là, c'est que les trailers qu'on avait vus au début donnaient l'impression d'un gros jeu, et que le petit extrait de gameplay là, tout d'un coup, s'est redescendu d'un coup, et on était là, ah ok, c'est ça, ok, bon. Mmh. Mais moi, les trailers me faisaient penser à un wave shooter. Ouais, c'est vrai. Ouais. pas du Skyrim ou quelque chose comme ça. Hein. Vraiment du. Je progresse limite rail shooter sur un chemin. Hop, ça se fige. Je suis attaqué. Je dois riposter. Je le voyais un peu comme ça. Donc, je suis pas surpris quelque part. Mais après, par contre, vu qu'il est prévu compatible 3D Rudder, je me demande quel est l'intérêt, si c'est un rail shooter ou un wave shooter, d'avoir un 3D Rudder. Donc, ah, tu bouges, hein. Ouais, ouais, mais c'est pour ça. Donc, ça me sort de mon idée première, qui est que je le voyais comme un wave shooter. Donc, ouais. Je reste hypé. IP ou pas IP, toi? Moi, je reste hypé. Je pense qu'il y a quand même du potentiel. Alors, dans toute proportion gardée, mais ouais. Le Cyril, il aime bien les studios espagnols, donc il a hypé. Ben, ouais, c'est pas si mal. On avait publié, il y avait eu un FAQ qui était sorti sur le site officiel des développeurs d'Arc Curry, où ils avaient répondu justement à plusieurs questions, parce que les gens, quand ils ont vu les bandes annonces, ils ont dit waouh, ça va être un truc de dingue. Et il y a quand même des gens qui ont commencé à poser des questions, les questions qui fâchent. Et concernant les bandes annonces notamment, qui sont plutôt jolies, donc il faut savoir qu'ils avaient répondu qu'ils avaient utilisé un cardan pour avoir une caméra qui soit relativement stable, ça branle pas dans tous les sens comme quand tu as le PSVR sur la tête, et qu'ils avaient utilisé aussi un logiciel pour rajouter de la profondeur de champ, donc les arrière-plans sont flous alors que dans le PSVR ce sera pas flou du tout. Après, sur la durée, il me semble que j'avais entendu qu'il serait pas si court que ça non plus, donc on parle plus d'un jeu que d'une expérience, hein. Cette fois là on va être dans les... Ouais, je pense qu'il a du potentiel, ouais. Ouais. Après, c'est vrai que si c'est répétitif et qu'on doit casser du squelette du début à la fin, en même temps, il y en a certains qui vont pouvoir se refaire l'épisode 5 de Game of Thrones saison 8 en rejouant la fin des Marcheurs Blancs et d'avoir une vraie bataille pour... Alors, oui, une Elder Relay. Oh, t'as fait un bon spoil, super. Ouais, on l'a l'habitude avec Laurent. Vraiment, je vais devoir couper ça. Quoi? Tu seras censuré, monsieur. Je suis désolé. Je suis obligé. Le coup près tombe. Oh, bah, merci, Minel. Le rocher. Arrête tes conneries. Non, mais ouais, moi, je pense qu'il y a du potentiel. Encore une fois, c'est la quintessence viendra des studios indépendants et non des gros. Voilà. Au moins les prises de risque. Ok. Bon, on verra ça en tout cas. Alors, sinon, est-ce qu'on parle aussi de Akron Attack of the Squirrels? Oula, faut traduire en anglais là. Je fais mon Seb. Fais pas ton Seb. Akron. Alors, Akron Attack of the Squirrels. C'est un jeu donc crossplay. Assez étonnant parce qu'il est vendu donc comme un jeu VR crossplay avec les mobiles. Donc j'attends de voir ce que ça va donner sur PSVR. Est-ce que ça va être un jeu jouable PS4 sur ta télé et un joueur, donc, puisqu'il y a un joueur qui incarne un arbre géant qui balance des châtaignes sur les autres écureuils qui essaient eux de récolter le maximum de choses en faisant un parcours du combattant. Alors je sais pas ce que ça va donner au final. Ça a l'air mimi, c'est parfait encore une fois. C'est comme on avait dit avec The Playroom, un jeu donc à jouer en famille. Ça peut être très drôle. C'est un petit jeu, il faut pas cracher dessus, il en faut. Moi je reste confiant. Bon, je serai pas hypé quand même, je vais pas jouer à ça, mais j'aime bien le principe. Mmh. Ouais, le côté vraiment jeu, enfin il y en a un qui a le casque et les autres qui ont les écrans plats devant eux, c'est toujours plus convivial, c'est vrai. C'est vrai que ça n'a pas été quand même trop développé sur PSVR, bizarrement, t'en as pas beaucoup quand même des jeux comme ça. Après, c'est Resolution Games qui ont sorti Angry Birds I Love of Pigs, ouais. VR, donc c'était bien réalisé. Spanx avait fait le test d'ailleurs, donc bon, c'était pas, ça manquait de profondeur là aussi dans l'expérience, mais ouais, pourquoi c'était pas. Propre. Pourquoi pas, ouais. Si c'est pas trop cher, ouais, pourquoi pas. D'accord. Mais toi, Laurent, t'en penses quoi? Ben, ça peut m'amuser. Autant Angry Bird que Akron. ça peut être amusant avec les enfants. Donc, pourquoi pas, ouais. Ce serait l'occasion de jouer avec tes enfants. Hein, voilà, bah, le papa, il a le casque VR sur la tête. Les enfants, on leur file le téléphone. Et allez, venez me piquer mes noisettes. Non, mais ça peut être sympa. Mais... voilà, mais tout à l'heure, on parlait de Summer Funland. Tout à l'heure, on parlait de Summer Funland, mais je pense que je préférais proposer ça à Kron, aux novices de la VR, que Summer Funland, par exemple. Ouais, je pense. Ouais, plus qui fun. Qui alias à mort, d'ailleurs. Summer Funland. Ouais, d'accord. Non, pourquoi pas. Bon, bah, très bien. C'était tout pour A Crown Attack of the Scryers. Je sais pas si j'ai bien réussi à le dire, mais bon, c'est pas grave. Excellent. Oh putain, mais c'est que des noms à rallonge à la con en anglais là. Si je vous parle de The Curious Tale of the Stolen Pets, voilà, ça passe ou pas? Excellent. C'est bien. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un. C'est joli. Hein. C'est un petit jeu. Je sais pas, vous avez fait jouer à Oh My Goddess, ou comment ça s'appelait, sur PSVR, le petit jeu là où tu as une planète devant toi et tu as des petits personnages. Genesis. Ah oui, Oh My Genesis. Moi je l'ai acheté. À l'époque, j'avais été un peu bluffé par le jeu parce que justement c'était statique et tu voyais donc ton petit monde devant toi que tu pouvais faire tourner. Et c'était très net, très joli, très coloré, très mimi. Et ça a l'air d'être un peu le même système avec plein de petites astuces de gameplay où tu dois chercher des choses, dégeler, mettre de la neige. Voilà, c'est encore un jeu pour à découvrir pour les enfants, je dirais, qui fonctionnera parfaitement sur PlayStation VR. C'est pas pour moi, mais je salue l'initiative, pourquoi pas. Et puis c'est Fast Travel Games, le deuxième studio après Sorvios, pour moi, qui monte en VR, un studio indépendant qui nous a donc fait Apex Construct et d'autres. Budget Cuts, ça a raison de le dire. Donc, ils ont d'autres jeux sous la main, ils l'ont dit pendant la conférence. À côté de nos plus gros jeux, de d'autres gros jeux, on va vous proposer donc ce fameux jeu là. Donc, ils ont, à mon avis, d'autres surprises à nous réserver, hein, eux d'ailleurs. Hein. À surveiller ce studio. Hein. Carrément. En général, ils se démarrent plutôt bien en plus. Toi, Cyril? Bon, écoute, je trouve que c'est des jeux qui font défaut au PlayStation VR et même à la réalité virtuelle en général. Pour moi, c'est un peu le lapin crétin de la VR. Donc, ça. C'est des jeux qui payent pas de mine et qui sont attractifs, voilà, qui peuvent attirer un public qui ne connaît pas encore la VR, donc ouais, je suis tout pour. Tout à fait. Pour petits et grands. Ouais. Et toi, Laurent ? Moi, pareil, plutôt hypé. Je suis même en train de me demander si on ne fera pas intervenir même des enfants pour avoir leur avis sur des. Parce qu'il commence à y en avoir maintenant, des petits jeux comme ça. Je serais peut-être même moi-même complètement hypé dessus. C'est peut-être un truc qui va me plaire. Donc, je dis oui. Ouais. Faut qu'on les recontacte. Tu vas inviter tes gosses au podcast, en fait, c'est ça? Non, mais pourquoi pas. Disons que le souci, c'est souvent... Moi, j'aime bien la VR. Devant un jeu trop enfantin, en tant que testeur adulte, tu vas avoir tendance à le fracasser. Alors que si tu le fais essayer à ton gamin de 10 ans derrière, il va dire c'est génial. Donc du coup... Ou te dire, justement, parce que c'est un côté enfantin, en te mettant justement dans la place d'un enfant, dire justement, justement, c'est bien pour les gosses, c'est graphiquement, c'est sympa, c'est mignon, alors qu'un gosse dira, oh non, c'est nul. C'est nul, ouais. Donc je préfère, dans certains cas, c'est peut-être intéressant d'avoir un avis. Moi, je pense que le côté maison de poupée, au contraire, ils vont adorer les enfants. C'est un peu comme Ghost Giant, des jeux comme ça. Ça rend bien. En général, ça rend vraiment bien, quoi. Ouais. Ah, ça rend super bien en VR, ça, c'est sûr. Moi, je dis ouais. Celui-là, pourquoi pas. Et c'est un oui pour Laurent, ok, très bien. On va parler... Des oui. Oh. C'est un oui sans zombies et sans... c'était quoi le truc? C'était les enfants. Undead Citadel, c'est un grand oui. C'est surprenant que t'aimes ce genre de jeu d'ailleurs, parce qu'il n'y a rien à flinguer, à démembrer, il n'y a pas de sang. Il aime tout, Laurent. Il est plein de contradictions. Non, j'aime complexe. J'aime pas tout, mais j'aime bien. Disons qu'en fait, je trouve qu'en VR, je trouve que les jeux comme ça, ils rendent trop bien. C'est vrai. Ça fait toujours visuellement, c'est magnifique quoi, en général. Alors qu'un jeu qui est trop réaliste, ça scintille de partout. Voilà, c'est peut-être aussi. Mais bon, c'est faux parce que même sur PS4, j'aimais bien Ratchet & Clank, j'aimais bien les choses comme ça. Donc, ça rappelle, de toute façon, les bons vieux souvenirs des premiers platformers en 3D sur PlayStation 1. Quoi. On y a tous joué à la Crash Bandicoot et tout. On a tous kiffé Mario. Des trucs comme ça. 64. Est-ce qu'on passe rapidement sur les DLC qui ont été annoncés aussi? Ah oui, notamment à Expect. On a oublié un jeu. Ah Pistol bon Wipe. Ah oui, ah oui, en plus Sidion, tu veux en parler dessus là. Je suis désolé. C'est le dernier jeu qui a été présenté à la conférence. Ça en dit long. Et le traitement graphique, j'adore. On revient sur du rétro gaming. Un mix et graphique et gameplay entre Super Hot VR et Beat Saber. Un focus sur la musique. On bouge. Un jeu qui en plus propose une grande progression, c'est-à-dire qu'au début vous serez un peu en mode panique, attiré sur tout ce qui bouge, et ensuite vous deviendrez vraiment un John Wick beaucoup plus tactical. J'adore, j'ai trop hâte de jouer à ce jeu. Pour moi c'est le jeu de l'E3, tout même confondu, même Final Fantasy 7 Remake à côté, c'est rien. C'est mon chouchou. Pistol Whip, à ne pas confondre avec une des chansons donc de Imagine Dragons qui a été inclus dans le dernier DLC de Beat Saber. Waouh, j'ai trop envie, j'ai trop hâte de jouer à ce jeu. J'espère qu'ils vont bien le faire. Je connais pas le studio. J'adore déjà. Le test est pour toi. Ah, je suis vendu au truc quoi. Je pense, hein. Je pense. Donc c'est assez Cloud Head qui l'a fait. Ça a l'air nerveux quand même, hein. Super nerveux. Je vais mettre un costume comme dans le trailer, tu sais, il y a le mec, il est en costume noir avec... et t'es John Wick, quoi. Ça a l'air génial, j'adore le graphisme. On va te faire pousser les cheveux un petit peu. C'est du super hot, un tout petit peu plus sophistiqué, mais on reste quand même dans du rétro gaming. Je suis sûr que Seb, il est hypé comme moi, j'adore. Et vous ? Ouais, pareil, ouais. Ouais. Ça a l'air bien rythmé, bien fun, bien nerveux. Ça dézingue dans tous les sens. Ouais. Et puis le studio, il est pas si méconnu que ça non plus. Donc, ils ont fait pas mal de jeux VR sur PC. Donc, ils savent de quoi ils parlent, on va dire. Ouais. Non, complètement hypé, comme Sion, pareil. Ouais. J'aime bien Beat Saber, j'aime bien Super Hot. Donc, logiquement, ça devrait passer. Moi, il y a le côté un petit peu, justement, minimaliste en fait, des graphismes. Qui me hype pas du tout. Ah ouais. La direction artistique me plaît vraiment pas. Moi, ce qui me plaît, ça m'étonne de toi. Ouais, non, mais les trucs néons, au bout d'un moment, ça va quoi. Faut passer un petit peu à autre chose. Mais en VR, ça passe bien. Ouais, mais j'en doute pas. Mais par contre, ce qui m'intéresse vachement dans ce jeu-là, moi, c'est le côté vraiment nerveux, le fait que t'avances tout seul et que ce soit de l'action pure et dure du début à la fin. Et la musique. Qui va crescendo. Avec la musique justement qui va bien, qui te donne encore plus de rythme comme ça, et voilà, qui te fait avancer. Ça va être un jeu super exaltant en fait, et qui doit vraiment te prendre aux tripes. Et passer ça justement, avec le plaisir que tu auras, je pense, ou en tout cas que j'aurai en y jouant, je pense que je pourrais faire passer outre les graphismes qui me plaisent pas trop. Donc je pense que, enfin, il m'intéresse, je suis quand même plutôt hypé par ce jeu-là. Moi à côté, Spire One, ou je sais pas qu'est-ce qu'il y avait comme jeu... Walking Dead ou à côté rien. Non. Pistol Whip, trop bien. D'accord. D'ailleurs toi, ok. Donc toi, pour toi, le jeu de l'E3 en VR, en tout cas, voire même en général, c'est Pistol Whip. Pour toi, Laurent, ça sera lequel? Celui qu'on a présenté. Celui que je retiens. Undead Citadel. Undead Citadel. Ouais. Ah d'accord. Ok. Ah oui. Et toi, Cyril? Joker. Ah ouais d'accord. Je l'ai pas vu ce jeu là. Non, Joker, j'attends de voir en fait vraiment qu'il sorte, parce que les trailers c'est super, ça donne une orientation, mais j'attends on a peu d'infos quand même sur les jeux quoi. Donc alors si ouais, tu donnes si tu... hormis ce qu'on connaît déjà comme Undead Citadel, c'est de la spéculation ça, hein. Mais... si tu mets ton Joker, je te prends ton Joker et j'en donne deux. Alors je dis Undead Citadel. Vas-y, et The Curious Tale of the Stolen Pets. Okay. Deux univers quoi. Les deux que j'aimerais bien essayer, que j'aimerais bien tester. Attends, moi ça serait quand même Battle Wake, hein. Celui-là il me... Ah ouais, je suis un petit peu marin, donc forcément moi tu mets un vaisseau avec de la flotte en dessous et des canons, moi j'adore. Donc Battle Wake pour moi. En plus Survios, je veux dire, c'est pas des manches, hein, donc non, ça m'étonnerait qu'il se plante, hein. Ok d'accord, donc voilà. La transition, donc du coup on va pouvoir passer aux DLC qui ont été annoncés sur les jeux déjà existants sur PS4. Je vais me planter en 10 ans, je suis sûr. I Expect You to Die, Seat of Power. Qu'est-ce que... Merci public, ouais. Merci. Je vous aime. What? Repeat after me. Et donc, du studio Schnell Game, bah, c'est quoi? Ça va être des... Schnell Games. Hein. Schnell. Schnell, ouais, c'est vrai que t'as le pied marin, quoi. Schnell Games. C'est des énigmes supplémentaires. C'est, qu'est-ce que c'est que ce truc? Prévu le 16 juillet déjà, ce DLC. Mmh. Je sais plus s'il est pas même gratos. Je dis des conneries peut-être, mais je sais pas. On vérifiera. Dans le résumé, on écrira ça. Vous avez fait Expect You to Die? Non. Toujours bon. Pas. Non, non. Bon. Je l'ai installé. Je l'ai jamais lancé. Ouh. Bon, ceux qui ont joué ont aimé, hein, donc. Bon, moi je l'ai fait. Il paraît qu'il est super. Donc, Ouais, c'est surtout le ton du jeu qui est sympa. Donc c'est humour James Bond des années 80. C'est un bel enrobage. On est statique et c'est donc une résolution de puzzles. Et comme le titre l'indique, c'est donc je pense que vous allez crever. Effectivement, il y a plein de petites choses à actionner. Donc très casual gaming avec les moves. On touche de tout. On appuie sur des boutons. C'est un jeu, tu testes, tu meurs, tu recommences, etc., tu avances. Mais c'est très drôle, c'est toute la philosophie James Bond. Et donc, Seat of Power, ça signifie donc qu'on se retrouve à la place du grand méchant. On est dans la base des méchants et on actionne ses pièges. Donc ça peut encore être drôle, bien sûr. Bon, ça va pas non plus chercher très très loin, mais voilà, c'est un bon jeu, hein, c'est une bonne extension pour un bon jeu, quoi, de toute façon. Donc il n'y a pas à se plaindre, hein, au bout d'un moment. Oui. Surtout si c'est gratos, à confirmer. Oui, et puis c'est bon aussi par ces temps où on a quand même passé une bonne période de vache maigre où on n'avait pas trop de jeux avant Blood and Truth. Et de temps en temps, de regarder un petit peu tout ce qui est sorti sur le catalogue et se dire qu'il y a quand même des choses qui valent le détour, même si il va peut-être y arriver un moment où il va peut-être falloir remettre en avant certains des jeux qui sont sortis et que finalement on n'en a pas beaucoup parlé. Quoi. Plus ancien, oui. Tout à fait. Et c'est un jeu qui a eu beaucoup de succès, il faut le dire aussi. Oui. C'est pas un jeu à la Beat Saber, c'est pas un gros jeu à la Resident, c'est un petit jeu qui a eu vraiment son petit succès. Donc ça fait plaisir, donc voilà, hypé. Ok. Bon nous autres on n'est pas hypé vu qu'on n'y a pas joué, mais en tout cas on te fait confiance. Arizona Sunshine, The Damned. C'est DLC, hein. DLC, on reste dans les DLC. Oui, mais le titre s'appelle The Damned DLC. DLC, ok, d'accord. Qu'est-ce que ça va être des missions supplémentaires pour Arizona Sunshine aussi? Une mission. Oui. Une mission. Mais la plus grosse mise à jour. Ouais. La plus grande mission, la plus grosse mission et la plus grosse mise à jour de Arizona Sunshine. Alors là encore, c'est pareil. Hein, c'est ceux qui connaissent pas encore Arizona Sunshine. Ils doivent pas être beaucoup nombreux, je pense, parce que ça a été quand même un gros jeu quand il est sorti. Grosse hype sur celui-là. Grosse hype. Ah, c'est sorti. Il a des défauts, mais bon, on s'amuse bien quand même. Finalement, ça fait même pas peur. Moi, ça me fait plutôt marrer. Oui. C'est le côté ludique, voilà. Hein, du zombie. Voilà, là, c'est du zombie ludique. Ils sont sympas. Tu vois, Cyril, ça c'est typiquement le jeu qu'on devrait faire ensemble. T'as peur, moi aussi, mais à deux, on gérerait et puis ça fait. Oui, à deux à la rigueur. Tout seul, ouais. Tu me le fais pas faire. Et puis ça devient d'un automatisme. C'est des automatismes. Après, au début, tu en vois arriver un, t'es tétanisé. Après, t'en vois arriver 10, tu dis chouette, je vais pouvoir les éclater. Ouais, mais toi t'aimes ça, toi. T'es un psychopathe, Laurent. Je veux dire, faut au boulot, faut dire les choses. Hein, donc, non, en plus, il est compatible M-Controller. Donc, c'est... Ouais. Graphiquement il y a mieux, mais il fonctionne super bien, quoi. Donc, Arizona, c'est le deuxième DLC, le plus gros. Moi je traduis ça quand ils disent le plus gros DLC jamais fait pour Arizona Sunshine, ça veut dire qu'ils vont le faire payer 5,99€, un truc comme ça. Des grandes aires de combat, c'est aussi ça qui est mis en avant, de nouvelles armes, toujours le mode coop au programme. La seule chose qui me refroidit, c'est que dans tout ce qu'on a vu en gameplay, il n'y a rien de nouveau. Ça reste le même jeu. Ouais, ils vont pas tout révolutionner non plus. Hein. Oui, le gameplay fonctionne plutôt bien. J'imagine qu'il y aura des surprises, mais on n'a rien vu de nouveau, donc c'est un petit peu dommage. dans la mise en scène aussi peut-être justement, vu que le jeu a quand même eu pas mal de succès sur PC et sur PS4, le fait que ce soit le plus grand DLC qui sorte, ça veut peut-être dire aussi qu'ils ont mis les moyens justement dans une mise en scène un peu plus rock and roll. Bah, ils grossissent, hein, Vertigo Games, hein, c'est sûr. Ah ouais, ouais, mais clair. D'ailleurs, en parlant de Vertigo Games, moi je suis un peu déçu. Alors, bon, c'est fort de café de dire ça, mais ils ont sorti leur plus gros jeu à annoncer comme tel, hein, par eux-mêmes, que VR, à savoir After the Fall, et je suis déçu qu'il ne soit pas prévu sur le casque le plus vendu du marché, quoi. Donc, à savoir qu'il ne sera que sur les casques PC pour l'instant, parce que. Arizona Sunshine, c'était pareil, hein, c'est sorti sur PC, et puis ultérieurement, c'est sorti sur PlayStation VR, mais ouais, voilà, j'aurais aimé qu'ils mettent le paquet aussi sur le PlayStation VR pour After the Fall. Donc je salue le DLC, il n'y a aucun problème, hein, mais c'est un peu dommage, je trouve. Ça entache un peu le tableau de Vertigo Games, qui était jusqu'à présent pour moi parfait. Oui, mais est-ce que Vertigo Games ne sont pas, sur tous ces jeux, plutôt éditeurs, parce que je vois Arizona Sunshine, le développeur, c'est Joe Walker's Interactive. Ouais, alors c'est un peu mitigé. Hein. C'est vrai qu'il y avait A Fisherman Tales, oui. D'ailleurs, qui était venu, donc c'est Inner Space VR, voilà. Oui. Qui était édité, oui, par Vertigo Games, mais après, ils produisent aussi leurs jeux, donc ouais. On ne sait pas trop sur Arizona Sunshine, puisqu'on voit qu'il y a les deux indiqués, autant Joe Walker's Interactive, autant Vertigo Games. Donc voilà. Si disons que c'est un studio et qu'ils ont juste un rôle d'édition avec peut-être une intervention dans le studio pour améliorer les titres, si le studio l'a pensé dès le départ sur PC et n'a pas pensé au PSVR, est-ce qu'eux ont peut-être la possibilité de faire pression pour le faire arriver sur PSVR aussi plus tard? À suivre. Ouais, mais c'était dans la présentation, dans leur plus gros jeu VR. Donc, bon, je l'ai pris comme quoi ils ont un peu la double casquette, hein, éditeur et créateur. Mm. Et là, je l'ai pris dans le sens créateur. Donc, je trouve dommage que ça soit pas dès sa sortie compatible avec le PlayStation VR. Ou alors la PS4, t'as pas les chevaux nécessaires. C'est ça. C'est ce que je pense aussi, ouais. Je vais faire la pirouette que After the Fall, il est ambitieux, il a un gros moteur, il est jouable à 4, il y a beaucoup de loot, des gros boss, beaucoup d'objectifs, de missions, et je suis sûr qu'il va être compatible PSVR, mais sur PS5. Ouais. Ouais, déjà c'est le fait d'être jouable à 4, bon, hormis Firewall sur PSVR, on va dire, mais on se rend bien compte que la bécane, elle est limitée en puissance pour supporter vraiment du gros multi. Donc là, on est quand même dans du. Non, pas du multi mais pour After the Fall, mais c'est du jeu coop. Hein, donc, voilà, hein, il faut. C'est pas pour cracher sur la PS4, mais on est quand même. En fin de gen, on parle de nouveaux casques, donc. Voilà, les développeurs commencent à regarder un peu le futur justement et ce qu'ils ont sur les nouvelles puissances et ce à quoi ressemblera la PS5 et la Xbox Scarlet. C'est des PC de maintenant, quoi. Ouais. Disons qu'un PSVR 2 qui déboulerait en 2021, mais surtout la PS5 qui déboulerait fin 2020. T'es développeur aujourd'hui, tu sais que pour développer un jeu, il va te falloir un an et demi, voire deux ans, même plus. Ouais. Tu vises loin. À partir de maintenant, tu vas commencer à taper la PS5, tu vas pas t'embêter et on risque de se retrouver dans un creux de vague. Là. Mais c'est là où là, je fais mon caprice d'adolescent. Hein, mais là, ils auraient sorti, After the Fall sort sur les casques PC et ultérieurement sur PlayStation VR. Mais voilà, je sais au moins qu'ils sortiraient sur PlayStation VR. Sans doute sur la PS5, tu vois, alors que là, on n'a rien, ouais, bon, c'est un caprice, hein, c'est pas... Ouais, mais ils vont pas dire, ça sort bien sûr sur... et ça sera aussi sur PSVR, ils vont pas le dire si ça sort sur PS5, quand même. Non, mais le fait de dire PSVR, tu extrapoles après, donc bon, tu... Non, parce que ça peut être interprété justement sur PS4, et donc ça resterait une information mensongère. Voilà. En tout cas, prise comme d'ailleurs, une information mensongère. Comment ils vont faire comment ils vont faire derrière quand ils vont. Parce que le PSVR sera toujours compatible avec la PS5. Est-ce qu'il y aura des jeux PS5 compatibles PSVR, mais pas compatibles PS4 Pro, par exemple? Bah oui, je pense. Hein. Ah oui, bien sûr. Donc on va avoir encore des nouveaux petits. C'est marqué sur la boîte. Non, mais c'est marqué sur la boîte. Jeu PS5 VR. Ouais. Et jeu PS4 VR, voilà, tout simplement. Ouais, bon, ça, c'est sûr et certain. Sinon, les gens, ils vont se faire avoir complètement. Non, t'inquiète, à mon avis, ça sera PSVFR. Voilà, comme Doom. Ok. The Wizard, est-ce qu'il y en a qui l'ont fait parmi vous? Oui. Il me semble, Cillian. Ouais. De toute façon, il n'y a que Cillian qui joue au jeu, j'ai l'impression, tous les jeux dont on a parlé. Donc The Wizard, petite nuance, c'est un DLC, c'est présenté comme un DLC, mais ça sera un DLC stand-alone. Donc ça s'appelle Dark Times. On n'a pas vu de gameplay, en tout cas dans le trailer lors de la conférence. C'est The Wizard, mais côté obscur. On incarnera un autre personnage, un peu plus dark, effectivement. Bon, The Wizard, il est pas mauvais, encore une fois. Il est plutôt joli, mais il reste très limité côté gameplay. Moi, j'avais pointé du doigt l'intelligence artificielle, des mécaniques de jeu un petit peu anciennes. Et puis un arc aussi de compétences relativement limité, donc un DLC est bienvenu, ça veut justement dire que les pouvoirs vont évoluer. Ce qui est génial par contre, c'est que tout se fait au move, contrairement à The Mage's Tale. Je te laisse galérer. Hein. Merci Sébastien. On fait les mouvements pour à la manière d'un Naruto, lancer des incantations, donc ça, excellent. Mais il faut qu'ils aillent encore plus loin, quoi. Mais pourquoi pas, hein, bien sûr. C'est un jeu, par contre, je suis pas persuadé, enfin, je suis pas 100% sûr qu'il sera PSVR. Hein. Oui, c'est spécifié nulle part, oui. Ouais. Ils ont indiqué ça pour la plupart des casques VR, mais sans vraiment préciser. Ouais. Et puis la date, 2020, putain, pour un add-on, c'est loin quand même. Sur le site de Upload VR, où ils ont fait le résumé de tout ce qui s'était passé durant leur conférence, ils ont mis The Wizard Dark Times dans la catégorie tout casque VR, mais en dessous, il y a entre parenthèses Oculus, Rift, PlayStation VR, c'est mentionné quand même. Ah bah c'est l'information, super, ouais. Ok. Bah voilà. Cool. On est rassuré. Un jeu compatible 3D Rudder. Et puis j'ai vu qu'il y en avait un autre aussi qui était compatible 3D Rudder. Undead Citadel qui sera aussi compatible. Ouais, mais tu vois là, quand tu es sur le site même de Carbon Studio, ils s'ennuient pas. Hein, ils communiquent sur le jeu et ils te disent même pas sur quoi il sera disponible. Donc, au moins comme ça, c'est l'imbroglio le plus total. Comme souvent d'ailleurs. En espérant qu'il n'y ait pas une erreur de la part de Plot VR par contre. Ouais. Mais oui. Réalisé en 2020, quoi. C'est loin, hein. Ouais, c'est pour ça qu'il n'y a pas de gameplay, hein. Mais... Pour un add-on, quoi. C'est qu'ils prennent leur temps. C'est comme toujours. Puis ils tiennent quelque chose. Hein. C'est encore une fois le simple fait de mimer tes gestes pour créer des sorts, c'est génial. Et ils tiennent quelque chose. C'est une licence en devenir, pourquoi pas. Et encore une fois, jouez à The Wizard, un très bon jeu, s'il est en promo, prenez-le. Alors, je suis devant la page Upload VR, c'est indiqué toutes les principales plateformes de VR, PC VR, PlayStation VR, Oculus Quest. Donc il fait bien partie de cette liste-là. Ouais, non, mais écoute, il n'y a aucun problème. Mais là, j'ai un mail d'eux, et par contre, tu vois, ils précisent en rien s'ils te disent d'aller voir le jeu sur la page Steam et le site officiel, quoi, voilà. Bon, d'ici 2020, il sera sur PS5. On aura le temps d'en reparler de toute façon, et de plus précisément. Avant de terminer, mes bien chers frères. Il y a encore peut-être une petite parenthèse avant de finir. Bah, attends, tu restes tranquille, hein, s'il te plaît. Oui. moi. Oh, l'autre. Non, mais c'est toujours dans. Quoi, le... tu veux hoster, c'est ça? Non, en fait, on en a. Dans la prochaine, t'es bon. Hein. Eh ouais, Laurent, tu hostes un jour? De quoi? Tu hostes? Non, tu hostes, toi, un jour. Si, je suis sûr. On va pas beaucoup parler, mais je suis sûr que ça va être très bien. Voilà, c'est officiel, c'est signé, c'est bon. Oh, allez, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, Laurent, tu voulais parler d'un jeu encore? Non, pas d'un jeu, d'un court métrage qui a été réalisé par les développeurs Hammerhead. Ça s'appelle AB, qui est également annoncé par Upload VR, sous PlayStation VR, Oculus Quest, Oculus Vive. Tu veux dire Abe? Abe, oui. Donc il va y avoir une suite, Abe, ouais. Donc c'est ceux qui avaient fait le jeu Sirène. Là tout de suite ça redescend d'un coup. Hein. Mais bon, c'est une parenthèse. Ce n'est pas un jeu, c'est un court métrage, mais qui apparemment. Alors c'est rigolo parce que il n'était pas mentionné sur la page de Upload VR et il a été rajouté. Donc je viens de m'en apercevoir. Ah, moi j'avais compris que c'était un jeu c'est qui pas était jeu. Tiré du court-métrage Abe. Non, c'est un deuxième court-métrage en fait. D'accord. C'est même une expérience. Ça a l'air d'être... Expérience vidéo, on va dire. Dérangeant au possible, ce truc-là. Ah bah, l'équipe Siren, avec les jeux qu'ils ont fait, les jeux de Barjou, Forbidden Siren, je laisse tomber. Hein. Là encore, je pense ça avec des pincettes, parce que je trouve que le niveau vidéoludique de ça appartient vraiment, c'est la chasse gardée de Sony. Sait avait testé avec Spanx The Great Sea, qui était annoncé sur PlayStation VR et on l'attend toujours quoi. C'est vrai. Donc il est sorti sur Quest de partout et moi j'ai l'impression, alors je dois sans doute me tromper, que c'est la maison mère, la Sony, qui veut pas que ce genre de support de produit arrive sur PlayStation VR. C'est un truc de dingue quoi. Donc là encore une fois, pour moi je prends avec des pincettes. Ça sera bienvenu parce que je trouve que c'est un thème, un sujet qui est trop peu utilisé avec le PlayStation VR, et c'est fort dommage, surtout quand on sait les pouvoirs qu'ont Sony, hein, avec leur studio là, c'est comment il s'appelle, aidez-moi. Studio Sony de cinéma. Sony Pictures ou PlayStation Sony... Studio. Non, Sony Pictures, les films. Et on se demande comment ils supportent pas plus leur casque et des productions VR avec tout ce qu'ils ont comme produit sous le coude quoi. Ouais, c'est juste, pourquoi ils lancent pas des... quand ils font un dessin animé là, pourquoi ils lancent pas un jeu VR en même temps? Comme Angry Birds 2 par exemple. Bah ouais, c'est vrai. Ouais, pourquoi pas, non mais c'est ça. Par contre, là où c'est totalement vrai, c'est que des productions VR cinéma, il y en a des tonnes. Il y a plein de réalisateurs, et notamment en France, qui font des courts-métrages. Et il n'y a pas de support réel de la part de Sony pour mettre en avant, ne serait-ce que qu'avoir une espèce de mini YouTube avec que des courts-métrages et qu'on puisse y avoir accès. Ils ferment la porte. Ouais. Ils ferment la porte. Il y en a plusieurs qui se sont cassés les dents dessus et ils ont proposé des produits adaptés, léchés, on va dire. Et non, pas de réponse. Et des snobs en plus, c'est ça le pire. Quoi. Je vous précise quand même l'histoire de Abe. J'ai eu Hammerhead, j'ai discuté avec eux hier. Et jusqu'à présent, ils m'avaient dit que pour l'instant, ils n'avaient pas communiqué les casques compatibles avec l'expérience Abe. Et donc, en faisant l'article upload d'Upload VR qui faisait le compte-rendu de l'E3 VR, il n'y était pas, donc il a dû être ajouté aujourd'hui en fait. On sent que, ils ne savent pas trop où ils en sont encore. On sent que Five Nights, comment s'appelle le jeu en entier, le titre du jeu, At 3Ds. Ça, c'est, je ne sais pas si vous avez remarqué, le jeu il est sorti en toute fin de mois, en trois jours. Il a fait mieux que Blood and Truth, Beat Saber. C'est une grosse licence. C'est vraiment États-Unis, une grosse licence. Donc le jeu d'horreur comme ça, c'est adoré. Ça les fait réfléchir, je pense. Ils peuvent. Ok. Ils peuvent réfléchir, c'est pas interdit. Ouais, c'est pas pour Cyril et moi, en tout cas. On verra ça. On verra ça quand ça sortira. Tu voulais parler de quoi alors, Say? Alors, merci Cilion, enfin quelqu'un qui m'aide. Je voulais parler de l'absent de cette présentation, c'est Starchild. Je pensais que tu allais d'un à l'autre, mais on y reviendra alors. Ah non, ouais. Starchild, c'est vraiment celui, ça commence à être un petit peu l'arlésienne de la VR, ce jeu, qui avait l'air quand même bien avancé dans la démo et que toujours rien, et puis... Comme tu dirais, laissez-les travailler. Laissez les gens faire leur travail, enfin. Il y avait quand même une démo qui en mettait plein la vue, qui a hypé pas mal de monde. Ça nous arrive encore d'avoir des messages de visiteurs qui nous reposent des questions. Il sort quand celui-là, quoi. Contrairement à d'autres jeux où les gens sont contre foot. Là, celui-là, il revient. Donc, on sent que quand même les gens attendent quelque chose et il n'y a plus de nouvelles. Donc c'est quand même alors comme le disait Cyril tout à l'heure, est-ce que Sony se le garde sur le coude et est-ce que après le 3 il va pas y avoir un nouveau State of Play ou un nouveau parce que dans l'année il y a encore la Paris Games Week, il y a encore la PlayStation Experience, il y a encore des choses, et est-ce qu'ils vont pas nous en balancer 10 ou 15 dans la vue d'un coup quoi? Et puis il leur faut des grosses licences, donc c'est important, ça en fait partie, Starchild. Je pense aussi. Sauf erreur, c'est une exclusivité sinon temporaire de Sony. Donc bien sûr qu'il le garde sous le coude. Il n'est pas annulé, c'est déjà ça. Pour l'instant, on n'a pas. Donc bon. Et puis, voilà. En plus, si c'est une exclu PSVR, encore une fois, Sony n'était pas présent. Donc. Exactement. Ouais, et quand on parle justement d'exclusivité, on pense, moi je pense à Firewall Zero Hour et donc le studio First Contact Entertainment qui a teasé leur prochain jeu qui s'appelle Solaris, qui est encore un jeu multijoueur de tir, mais c'est tout ce qu'on sait. Et c'est un jeu qui a été annoncé PCVR uniquement, pas PSVR. Mmh. Et bon, moi je crois très étonnant, ça. Ça m'a interloqué quand même. Tu t'es senti trahi quoi. Ouais, même je dirais plus, tu vois ce que je veux dire, mais ouais. Mm-hmm. Bah ouais, et Sony a tellement dû injecter de thunes dans Firewall que je comprenais pas que leur prochain gros titre ne sorte pas sur PSVR, en tout cas ne soit pas annoncé PSVR. Mm-hmm. Mm-hmm. Et ils ouais, le seront hein, peut-être tous ces jeux encore une fois. Hein. Ouais. Bah c'est fou. Quand même. Moi, je pense à Dome Extraction qui devait être Aim Controller également et annoncé par Sony, hein, et plus rien. Aim Controller compatible, t'as raison. Ouais. Celui-là, je dis putain, c'était évident. Tu dis putain, c'est Sony qui l'annonce, qui en parle dans des conférences, qui en parle, et puis plus rien. Ça c'était leur autre jeu. Alors eux c'est pareil, c'est motus et bouche cousue sur ce jeu parce que j'étais en contact avec eux. Ouais. Ils veulent pas en parler. Mais je crois qu'il a très mauvaise critique, hein, ce jeu aussi. Ouais. Hein. Il est pas fini. Ils veulent pas en parler. J'ai insisté lourdement et à chaque fois on me parlait. Non. Mais c'est-à-dire qu'on parlait que de Firewall. Donc non. C'était vraiment un rejet total de toutes les questions sur ce jeu. Ouais. Ouais. Ça le mérite d'être clair. Ok. Mmh. Très bien. Vous avez un autre jeu auquel vous pensez comme ça, vite fait, très vite fait, parce que là on est quand même à 2 heures d'émission maintenant. Non pour moi. On revient au canon du début de Autour d'un verre. Ouais, et des nuits blanches pour moi, super. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Space Team VR qui est un Star Trek-like débile. Il y a eu un jeu aussi où tu détruis une chambre d'hôtel à la Drakenbar VR, d'ailleurs, qui a annoncé aussi un DLC pour cette fin d'année qui inclurait du multijoueur, un environnement en plus, de la personnalisation. C'est vrai que Cyril, c'est le seul de nous tous qui a joué à ce jeu. Bon, c'est la bagarre. C'est la bagarre, un bon défouloir. La bagarre. Ouais. Excellent, j'achète. moi, il y a le Blade Runner-like Lo-Fi qui me fait beaucoup envie, qui est très joli, mais on n'a pas vu grand-chose. Mmh. Là, on est en train de parler de jeux PCVR hein, qui ne sont pas du tout confirmés sur PSVR. Echo Arena qui arrive sur Quest. Donc, bien la preuve que... c'est bien ça. C'est très bien. Ça, c'est mon interprétation. Bien la preuve que ce sont les contrôleurs qui font obstacle à son portage sur PSVR, à moins qu'il y ait Echo, c'est pas un jeu Oculus? Si, c'est un jeu Oculus, en fait. Ah, d'accord. Bah, c'est pour ça. Voilà. Lone Echo, bien sûr. Tu le trouves pas sur Steam, hein, c'est que Oculus Star. Ah, d'accord. Donc, ok. Encore autre chose. Voilà, après on a fait un peu le tour hein, de tous les jeux. Okay. Hein. Bon, bah c'est déjà quand même pas mal. j'ai juste une dernière petite question. Vous pouvez juste répondre un seul mot ou dire j'en ai aucune idée. Si vous pouvez me citer un jeu en plat quand même qui vous a hypé pendant ces conférences. Ah, un seul. Je peux pas dire, je sais pas. J'ai pas suivi donc aucune idée. Ouais. D'accord. Je peux te parler d'un jeu plat auquel j'ai joué dernièrement, mais ouais. Non. On fera peut-être la prochaine émission. Je remettrai peut-être en plat. Vous jouez à quoi à la fin? Mais juste voilà pour en l'honneur de l'E3. Bon, par respect pour ça, je reciterai donc Final Fantasy VII Remake, qui est donc en développement depuis des années et c'est un petit peu le coup de dé, c'est ou de la merde ou c'est très bien. Quand tu as joué au premier qui avait un côté tactique stratégique qui était très sympa avec les matérias que tu glanais, que tu pouvais mixer, c'était génial. C'est un jeu que j'ai refait plusieurs fois. Et j'ai été rassuré quand même par le gameplay assez profond qui a été montré, donc qui allie d'un côté des phases bien sûr en temps réel comme le dernier Final Fantasy, mais tu peux donc geler le temps et choisir des actions un peu scriptées, des coups spéciaux. Il est très beau, Voilà, donc là je suis un peu rassuré pour ce jeu. Donc c'est le jeu plat qui m'aurait le plus hypé. Par contre Avengers, il a l'air joli, mais oh, c'est du déjà vu. Donc bof. Bah, t'as le Tom Clancy là, enfin moi j'aime bien ça, qui va sortir là, du Wii. Il y a la bêta qui commence le 5 septembre. Il sort bientôt en plus, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, Ghost Recon Breakpoint. Voilà, bon, ça c'est le genre de jeu que j'aime bien parce que je joue en coop par rapport à ça. Voilà quoi. Ouais, si je dois en retenir un, j'en ai pas beaucoup vu non plus, ça serait celui-là quoi. Et un plaisir coupable aussi que j'ajouterais, le Dragon Ball RPG Project. J'ai revu après des phases de gameplay, c'est trouvable sur le net. Ça a l'air moins con que ça en a l'air, donc à voir. Ouais, c'est Dragon Ball, faut aimer les licences quoi. Ouais, mais il y a tout le côté expérience, tu peux jouer avec plusieurs personnages, c'est un monde ouvert ou semi-ouvert, c'est pas un jeu de baston seulement, donc voilà. Vous avez vu qu'ils font aussi le remake de Final Fantasy VIII, remasterisé ? Exact, qui sort cette année. En oui, HD, c'est ça ? Remasterisé, ouais, ouais. Il sera disponible sur Nintendo, PS4, Xbox One et PC, voilà. C'est la version, émulateur quoi. Ouais. Grosso merdo. C'est vrai, voilà. C'est vrai. Zéro hype. Je préfère encore y jouer avec le petit grain de l'époque sur PS5 que dans ces versions en fait où tous les défauts de des modélisations te sautent à la tronche. Je comprends pas. Mais tu l'avais bien aimé celui-là. Pareil. Tu l'avais bien aimé le 8 hein, quand même. Moi le 8, ouais, j'avais beaucoup aimé à l'époque, mais je l'ai fini voilà quand il était sorti il y a super longtemps. Mais bah d'ailleurs mon pseudo il vient d'un des personnages donc. Ah. Voilà. Oh ouais. Et Laurent, un jeu en plat? Aucun. Non, moi c'est plus Zelda 2, Breath of the Wild, qui peut être bien, bien que je n'ai pas de Switch, mais j'adore Zelda. Mais bon, non, franchement, là, je suis passé au cap où j'ai même des jeux PS4 que je n'ai même pas sorti de leur emballage. Donc, tu peux les revendre. Je suis vraiment à fond sur la VR. Ok. Ok, bah moi pour finir Cyberpunk hein, parce que ah oui bien sûr ouais, c'est... parce que ah, c'est oui, des projects c'est des projects parce que The Witcher parce que c'est des ils pèsent quoi franchement ils font pas de la merde ils savent écrire oui. Ils savent faire des vraies histoires ils savent faire des vraies quêtes ils savent créer des vrais univers des vrais bons jeux. Witcher 3 j'ai vraiment aimé par contre. Ah mais tous moi le 1 le 2 le 3 je les ai tous vraiment surkiffés. Oui et, le voilà, seul problème c'est confiance c'est à 100%. Le seul problème c'est le gameplay hein. Ouais, The Witcher quelque part il y avait un ouais. C'était la faiblesse, mais c'est un ex. Sur le 2 et le 3, ouais, ça glissait un petit peu en fait au niveau des contrôles. Mais à part ça, franchement, au niveau cohérence de l'univers, bon, qui était déjà écrit et qui était déjà connu, mais voilà, immersion, c'est de la tuerie. Hein. Moment de grâce, t'en as pas beaucoup qui de monde ouvert qui te propose des moments magiques comme ça. Donc, ouais. Il sort quand voilà, mars donc. 2020, non? Ouais, il me semble qu'il y avait la date, ouais, je t'avoue, je l'ai pas noté là. Ouais. Je leur fais confiance, qu'ils prennent leur temps, qu'ils sortent sur PS5. Il sera cross-gen celui-là, de toute façon, c'est annoncé. Ah ben, bien sûr. Bien sûr, mais je vais même pas me le prendre sur PS4 celui-là, je vais me le prendre venu sur PS5, je vais le prendre sur PC. Oh. Histoire d'avoir puis, la. Et puis ce E3 là, il était. Il n'y avait pas Sony quand même, donc moi j'aurais pu répondre The Last of Us 2, parce que celui-là par contre, le 1, j'ai plus qu'adoré. Et c'est peut-être là ce que maintenant ce que j'attends que le 3 ait terminé c'est que Sony se manifeste et nous balance une dizaine de jeux VR et quelques annonces croustillantes sur la PS5 et sur éventuellement des jeux qui vont arriver sur PS5. Une chose de sûre c'est que le 3 2020 sera bien plus complet, il y aura beaucoup plus de choses. Ouais. Ok. Et eh ben, ça sera tout du coup, les petits loups pour cette E3 2019. Je pense qu'on a bien fait le tour. N'hésitez pas, chers auditeurs, à nous dire ce que vous en avez pensé. Les jeux qui sont un petit peu ressortis parmi la liste qu'on vous a donnée, ou même des jeux sur PC, PC VR qui vont sortir, si vous êtes hypé particulièrement pour certains d'entre eux. N'hésitez pas à nous mettre ça donc, dans les commentaires du site, de l'article du podcast. Vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur PodCloud, sur iTunes, sur Spotify, sur j'en oublie toujours un, sur Deezer. Et puis on se dit à dans 2 semaines, très probablement pour la dernière émission de la saison. Ah, il y a des saisons. C'est quoi alors? Ouais, y a des saisons, tu vois, c'est la saison 1. Donc il y aura un mort à la fin, c'est obligé. On vous dit pas qui c'est. C'est cool. Et après, il y aura une nouvelle émission avec une nouvelle formule, un truc de dingue. Ah, j'ai trop hâte. avec des surprises, avec, avec des blagues, avec, avec un scénario. Ça va être super. Un présentateur. Voilà. Un peu vrai présentateur. Voilà. Ouais. Fais le malin, tu vas voir, tu vas faire la première de la prochaine. Ah non, moi j'ai donné, hein. C'est bon. C'est un job, c'est en fait, c'est un peu. Bon, il faut. Bon, j'avais rien foutu, tu me diras, mais. Ah oh non, c'était très très bien, c'était très très bien. Ok, puis voilà, bon, on vous dit à la prochaine, et puis ciao. Merci Sei, merci de nous avoir écoutés, les auditeurs. Ciao. Ciao à tous. Tout le monde. Allez, bye bye. À plus. Bye bye. Ciao.